Le ballon enfin, dans les mains. Enfin, l'eau est là. Oui, oui, non, mais on plaisante. Mais d'ici quelques années, on dira effectivement, enfin, l'eau est là. On le voit pas arriver, mais le problème de l'eau va vous prendre plein la gueule. Ah, pour beaucoup, la gueule. Pour beaucoup, ce sera déjà avant l'au-delà. Eh oui, et on sera déjà trop nombreux, de toute façon, pour essayer d'en parler à plusieurs. C'est pour ça que commencer à boire autre chose, ça économisera déjà ça. Le ballon est remonté par les joueurs d'Arsenal. Arsenal, oh qui joue mal, oh qui joue mal, Arsenal. Et c'est Manchester, Manchester qui me fait plus peur chaque fois qu'ils attaquent. Moi, si c'est, même si c'est moins fréquent, tu vois, je les sens plus capables d'aller marquer ce but pourri qui tuerait le londonien. Oui, les coups d'éclat d'Arsenal n'ont pas réduit la technicité de Manchester. Hein. Très, très grande équipe cette année. Hein. Premier du championnat. Oui, continuez. Allez-y, continuez à vous foutre dedans. Allez-y. Alors, et ensuite, combien de buts marqués à l'extérieur? Entendu, je vous rappellerai. D'accord. Il ne veut pas répondre de suite, monsieur. Il a raison. Il préfère réfléchir. Là, c'est la bataille pour le ballon. Non intervention de monsieur Jean Goldeux, qui est bien, hein? Qui est bien aujourd'hui. C'est son jour. Hein. Avec 7-Up. 7-Up, hein? pour éviter la pub. Bien vu, Jacques. Le ballon remonté sur la droite par... Oh, le centre le plus petit du monde. Petit Françoise, là. Ah ouais, ce fut le mini-centre, même pas le mini-golf. Avec DJ Clay. Il nous a fait un petit mini-foot, peut-être, effectivement. DJ Clay qui est sorti trop vite, hein, Jacques. Un peu précoce. Tiens, on a vu un ballon en mousse, petit ballon en mousse. Oh là. Arrêtez les conneries, s'il vous plaît. Ah, ça m'inquiète, le score. Il crache. Et là, vous avez vu, il a craché sur la pelouse, le jeune, là-bas. Et vous dites, rien, il a craché sur la pelouse. C'est dégueulasse. Là, c'est un crash test, peut-être. En tout cas, c'est 0-0, il n'y a rien eu dans le but. Non, mais pendant ce temps-là, hein, les joueurs de Pépignan s'échauffent. Il ira en fin de match. On ira. Pas en fin de match, on ira en fin de première période, bien évidemment. Car avec le décalage, eh bien oui. Oh là là, on est sur le temps direct du stadium. Hein, on prépare le match. Week-end entre hommes. TFC Lyon. Vous aussi, vous êtes cato, vous aussi, vous y croyez. Week-end entre hommes. Exact. Vous porterez votre croix jusqu'au bout. Mon pauvre Jacques. Ah oui, c'est une excellente idée, ça détend. Ballon remonté et repris par un ralenti de Jean-Louis, un ralenti qui lui a été offert par son grand-père pour son anniversaire à lui aussi, et c'est une remontée tranquille d'Arsenal. Arsenal qui tente de secouer l'ogre de Manchester, mais Manchester tu te fais pas avoir, et sur le coup maintenant c'est Arsenal qui monte. Oui, ça n'arrive plus. Pas d'importance. Jim France. Double, triple. Dommage, la combinaison était sympathique. Ouais, que la défense mancunienne n'a pas su faire la balle. La balle que maintenant elle est dans les pieds d'Arsenal et que c'est pas facile de marquer le but. Ça veut dire du contre, hein, du côté Manchester. Toi-même, du contre. On joue en triangle pour Arsenal, si c'est bien fait, ça peut le faire. Alors est-ce que c'est un triangle équilatéral ou isocèle? C'est la question. Isocèle 9002 service qualité. On va vérifier ça. Et Manchester qui s'échappe tranquillement hein, de l'emprise londonienne avec sérénité, aisance et sans, dirais-je, précipitation. Ça joue technique, ça joue sympathique, mais pour l'instant, il nous manque quand même le tremblement du filet, messieurs. Alors essayez de vous appliquer 5 minutes. 5 minutes, please, for maître goal. Hein. Be cool. Sur le côté droit, Arsenal qui tente de l'appui plutôt que de centrer alors qu'il fait beau. Oui, Jacques, c'est une superbe phrase hein, qui vous sera retirée par le CSA pour tentative, bien évidemment, d'offensive. Eh oui, il le dit à monsieur Jean Goldeux. Eh oui, mon gars. Et attention, il va falloir tenir toute l'après-midi car il peut y avoir des prolongations. Ah oui, dans tous les matchs. Non, pas celui-là. Bon. Je suis allé à Lyon en plus. Non, mais il n'y aura pas de prolongation. À Lyon, peut-être. Non plus. Au rugby, non, t'inquiète pas, Jacques. Je pense que nous allons avoir un espèce de sans faute du côté de Nord Phantom qui va hanter les nuits pépignanaises. Et pénalité tentée par Manchester qui est complètement loupée. Elle est foireuse, mais elle permet quand même au pack de Manchester de monter maintenant. Le pack de Manchester qui enfonce son vis-à-vis. Oh, c'est bien vu. C'est dommage. Une belle transversale, mais les joueurs étaient hors jeu. Un en avant avait eu lieu. Et finalement, ce sera une mêlée signalée par l'arbitre, monsieur Jean Goldeux. Personne n'y a cru hein, sur cette stratégie, on va dire, d'aller là où il n'y avait personne. C'est pour ça qu'il n'y avait personne. Mais oui, vous comprenez, vous n'êtes pas préparé à ça, donc vous n'y allez pas. Si l'autre met le ballon là où c'est pas prévu qu'il y ait quelqu'un, effectivement, ça nous donne cette action-là. Je me prends, là. Je me prends moi-même, Jacques. Vous permettez 2 minutes, hein, je reviens. C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente idée aussi, Jackie. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, on se tient, on se caresse les bras très doucement et ensuite on se sanctionne la jambe. Et c'est reparti pour Arsenal. Qui attaque, qui attaque, qui attaque, pas si mal. Qui espère, mais qui joue un peu trop pépère. Mais pourtant, ils sont entrés maintes fois dans la surface de réparation mancunienne, mais pour rien y faire. Toujours 0 face Manchester. 0-0. Et pourtant Arsenal ne joue pas trop mal. 0-0. 31 minutes de jeu, de poussière. Oh, et pourquoi pas là cette fois-ci? Arsenal, allez, vas-y. Arsenal Manchester, ça ne joue pas comme l'enfer. Mais par contre, derrière, ça, c'est y faire. Ouais, regarde-moi ça. Ça. Comment Jean-Loup. Il va lui dévier ce ballon. Il le sort, ce ballon. Il le lui sort. Sinon, je pense qu'il mettait la tête. Oh, Jean Grou. Mais on s'approche. De plus en plus, j'ai vu. Sans que s'accroche. C'est là. Alors que Van der Sar était parti se faire tripoter la jambe et la quenouille, et bien finalement, l'arbitre, M. Jean Golde, va faire refaire le corner. Corner, double bis, corner, bis, bis, bis, corner, bi, double, bi, debout. Oh, il y a une main. Oh, c'était une main terrible. Oh, le pénal, l'expulsion. Le pénal, l'expulsion et tout. Ah, si. Ah, si. Ah, oui. Ah, oui. Oh, le sale main. Oh, la sale menotte. Bien sûr, on le fait volontairement et bien sûr, on ne se dénonce pas. Bravo non, l'éthique, non, oui, messieurs oui. Les foot. Dirty hand. Dirty hand, man. Very dirty hand, your salopard. Et même si les gens sont habitués à des problèmes d'éthique tous les jours, personne ne dit grand-chose sur ce sujet, mais les footeux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de chiens avec des problèmes d'éthique que de personnes avec des problèmes d'éthique. Très et franchement. Alors, pendant ce temps-là, eh bien ça repart. Et oui, une main non sifflée dans la surface, une main plus que volontaire, une main affreuse. Une main qui vaut de l'or. Là. Qui vaut dehors, pardon. Oh, nous allons souffler quelques instants, prendre ce petit répit, comme il nous est donné, merci. J'espère bien s'en sortir dans une situation délicate. Merci pour le répit, les gars. Alors qu'on cherche un petit peu de douceur pour calmer tout le monde. Après cet incident de jeu non vu par l'arbitre, Monsieur Jean Golde, ou alors celui-ci a fermé les yeux, comme il a longtemps fermé les yeux, sur la pédophilie, la pédophilie. C'est un fait de jeu, certes, on est habitué à l'injustice de la réalité, certes. Okay. Mais quand elle est filmée, cette réalité, qu'on peut en faire quelque chose après, qu'en fera-t-on de cette main ignoble? On dirait une pommade, hein, le qu'en fera-t-on, là. Ça fait un petit peu truc que dites pas, ça, pour te chauffer la cuisse. Le qu'en fera-t-on, donc n'hésitez pas en pharmacie, en pommade et maintenant en gélule. Te moque. Ballon relancé par Arsenal. Arsenal qui joue bien, mais Arsène est maudit. Il est maudit jusqu'à la fin de la nuit, Arsène. Il ne gagne rien, il ne gagnera plus rien, même s'il joue bien. Oh là là, avec Bombastic qui s'en va là-bas. Bombastic. Par Manchester, heureusement, intervention d'Al Arsenal. Ouais, je pense que c'est même lui. Hein. C'est d'Al Arsenal, l'arrière central d'Arsenal, qui est venu sauver sa formation, qui était encore une fois embourbée dans un sacré merdier, cette équipe londonienne qui joue magnifiquement, mais qui défend merdiquement. C'est vrai qu'être footballeur aujourd'hui, c'est être en formation. Hein. Ah oui, permanente même, hein. C'est encore bien évidemment, vous comprenez. Allons enfants de la partie. Si vous dites qu'il y a de la permanente. Attention, le ballon est dégagé par Chenal. Jean-Pierre Chenal qui... Jean-Parsenal. Et Parsenal. Oh là là. Mais Manchester. C'est un peu ça, hein, le Parsenal du Nord, c'est... C'est un peu ça, Jacques. On a du mal à le dire, hein, d'ailleurs. Parsenal. On l'a dit pour le stade Toulfousin. Malin. Ah oui, on revoit cette image, Jean-Louis. C'est terrible. C'est une main. Eh oui, il a raison de râler. C'est vrai. Oh là là là là là là. Elle est monstrueuse, en fait, il court. Il a gagné, il a marqué. Ah il oui. a marqué. Il a oh, gagné. Non, il va fêter photo. Ça avec l'arbitre. Ouais. Il fête son but avec l'arbitre. C'est une première. Effectivement, sacré sale putain de main de la part de Vidoc. Vidoc, hein, c'est Vidoc hein, qui ouais, a fait la main dans la surface. On aurait préféré qu'il ait sa main au panier. Bon, on remonté par Arsenal, on y va seul, un petit peu trop seul. Arsenal doit combiner maintenant. Oui, c'est pas mal vu. Au bord de la surface de réparation, s'il peut la mettre, c'est bon. Et puis, non. Contre pas d'aboum, Jacques. Pas d'aboum. Ah, quel dommage. Ils vont regretter toutes ces actions, les Londoniens. Hein. Ah, ça me la cup. Les Gunners, hein, Jacques, on peut dire. Même les Gunners. Eh oui, il n'en a pas vu. Eh oui, monsieur Jean Golde. Regardez alors, ça. On voit ça. Ah, allez. Sous cet angle, ça va être encore plus flagrant. Eh oui, il la lui enlève. Quelle horreur, j'ai honte, shame on the football. Oh oui, puis en plus elle est... Esprit. Oh oui, non, mais c'est pas possible de pas la voir pour l'arbitre de touche. Pas sûr. Ah oui, non, c'est pas... L'arbitre de touche le fait moins de 1m50 apparemment. Ça ne l'empêche pas d'avoir une acuité visuelle, Jacques, au-delà de la moyenne. Mais c'est pas ça, c'est que les joueurs sont tellement grands, énormes, qu'on ne voit pas tout derrière. Ah si, non, mais là si, là elle était flagrante, le bras était complètement décollé. Oui, mais parce du que vous corps, avez une caméra en hauteur, alors que, une fois de plus, l'arbitre est au ras du sol. Peut-être as-tu raison, nous allons nous incliner sur cette explication. Jean-Loup ras du sol. regarde. Voilà. Ouais, pas mal. Là, c'est pour vous montrer la différence. Jean-Loup ras du sol. Couchez, Jean-Loup. Ah, ça fait peur. Hein. Nous parlons comme ça à notre réalisateur. Entre chiens. En ce moment, il n'écoute plus. En le faisant bien. Ouais, il n'écoute plus, Jean-Loup, donc on est obligé de redonner un petit coup de collier. Jean-Loup, couchez. Oui, bien. Non. Oui, Mangesté essaye aussi un petit peu à son tour. Alors, c'est maillot. Ce sont les All Blacks. Hein, ils sont moins bons, Jacques, avec le ballon au pied qu'avec le ballon à la main, bien évidemment. On peut pas non plus. Donc là, c'est quoi? C'est l'équipe du Japon, l'Arsenal. Arsenal qui monte tranquillement. Il va attendre qu'il y ait quelqu'un de bien placé. Non, il ça va vite. Centré. Oui, ça va vite. Le temps tourne. Oh, là, super. Oui. Un, deux, trois. Oh, pas mal, il va tout seul. Et cette fois-ci, remarque, s'il tombe dans la surface, je pense que cette fois-ci, l'arbitre n'hésitera pas à signaler le point de pénal. Ah, c'est pas sûr. Comment ça, c'est pas sûr? Il peut considérer que c'est d'un tox, ce qui a eu lieu, s'il n'a rien vu, justement. Il va en entendre parler à la mi-temps. Ouais. Moi, je pense qu'on va lui remontrer les images et ça risque d'être terrible pour lui. Le ballon est remonté par Mangesté. Mangesté avec Mickey Rooney. Oh, quelle belle petite balle dans le mouvement, dans la course du partenaire, nom de Dieu. Mais que c'est beau foutreuseux, c'est Mickey Rooney qui va patoter, qui va potatoser. Et finalement, ce ballon est contré. Mickey Rooney. Oui, un bon chanteur. Hein. Très très bon chanteur, il a notamment composé I Wanna Rain. Eh oui, à Chelsea, mademoiselle chante le blues. Quelle horreur. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Et il va peut-être marquer un but de la main. Il a vu qu'il n'avait pas été pris dans la surface. Il peut refaire le coup cette fois-ci. Qui ça, directement, Vidoc. Ordure. Vidoc, hein, Jacques. Vidoc dur. Ouais. Vidoc dur. On va regarder ça, Jean-Louis Orlanti, c'est un corner pour Manchester avec un anniversaire qui va le tirer. Chercher Smart. Stade magnifique, hein, plein l'Emirates Stadium, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, car c'est un stade magnifique. Prêt à décoller. Prêt à partir. Oui, oh, attention, avec une bonne défense de la part d'Arsenal au premier poteau. Et maintenant, c'est revenu avec Darjeeling. Darjeeling qui reprend le ballon pour Lipton. Lipton was déboarding. Déboarding de Lipton et boum, boum. Un nom des Jeux Olympiques, hein. Oui, et donc un an des championnats d'Europe. Et ensuite bien... Oh oui, il l'avait pris. Pardon, excuse-moi, Jacques. Un an des élections. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir du bourre-pif hein, en 2012. En 2012, oui. Oh là là, ça va chier. Il y a quoi? Du foot, des Jeux Olympiques, une élection présidentielle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le Skyrock. Et Radio Sportaz, qui émigre? Mais à Londres, ici. À Londres, oui. Ah oui, et puis Rooney qui rebalance le ballon sur le joueur. Et voilà pourquoi il prend le carton jaune, puisque pour la faute qui était plus maladroite, bien évidemment, qu'évidente, bien sûr. Bonsoir. Niquer Rooney jeunesse. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. Après, les trucs s'effondrent sur la gueule. Alors attention, Jacques. Ça s'empile, Arsenal, à l'attaque sur le côté droit. Henri, Sana. Henri, ça n'arrive pas. Aux autres. ballon est toujours dans les pieds d'Arsenal. Qui, non, là c'est mal joué par contre. Là c'est très mal joué. C'était un ballon carrément donné à Manchester, mais qui finalement s'en sert pas du tout et le redonne. Donc on va assister normalement, si tout se passe bien, au premier but de cette confrontation. Un but qui sera marqué par les Londoniens dans les quelques instants qui arrivent avec double feinte. Il continue à la donner par-ci par-là. Elle tourne autour du pot. Ah, mais ils ont du mal quand même. On regagne de la vitesse, les gars. Ah oui, oh, bien dit, Jacques. Il intervalle, faut regagner de la vitesse. Ah, avec du stamina. Il faut du stamina maintenant, sinon on n'y arrivera pas. Récupération Arsenal, peut-être pas. De la tête, un contre. Ah oui, regardez, ils vont se régaler, les mangeurs. Ouais. Non, ça c'est Mickey René qui les donne magistralement. Regarde ça, Super Nani qui va. Super anniversaire, mais il est pris cette fois-ci en vitesse par un lévrier afghan magnifique de dextérité qui a pu renvoyer la balle. Oui, mais Nasri sur le gâteau qui était bon en défense a fait une mauvaise relance et c'est au bénéfice de Manchester United. Ouais, sur Manchester, le côté droit, et on accélère, se livre Sterling à fond. Et il n'y aura rien, dit l'arbitre de touche, tandis que Nanniversaire s'est fait souffler la bougie un peu fort et il a du mal à récupérer. Mickey Rooney lui vient demander à l'arbitre comment je bronze. Ben au JO. On voit ça gentiment, on ralentit. Bien joué Jean-Louis, hein. Ça c'est un ralenti prompt. Merci de noter toutes ces phrases précieusement. Mais oui, mais la phrase est importante, Jacques, dans le reportage sportif. Je ne vous entends plus. Ah bon? Si, tout va bien. Ne touchez rien, alors, ne touchez rien. Attention, Arsenal qui monte avec Peter William Cage. Seul. Peter William Cage qui cherchait, il n'aura même pas le corner. Seul, lui sait, seul. Lui sait qu'il y a une main. Ouais. Il est le capitaine. Il pourra témoigner au tribunal. Ça va, toi? Ça va. Tu pars pas à trop, droite. Pas trop. Ouais. Laisse-moi tranquille. Tu pars à droite, toi. Ça va être un dégagement de... Tu as mis les micros dedans, Jean-Louis. Tu as mis les micros dans le ballon. Et Arsenal qui reprend ce cuir, mais pas pour longtemps. Overmars. Autant dire avril. Quelle pub. Chut, laissez cette musique se développer. Ça sent la mi-temps. C'est une musique qui va grandir, Jacques. Vous voyez là, c'est une musique, elle est toute petite, elle a 2 mois. Et vous allez voir que petit à petit, elle va s'étoffer. Là, elle est à 6 ans, voyons. La musique a 6 ans. Et vous allez voir à l'adolescence maintenant. À l'adolescence. Voilà, c'est une musique adolescente, totalement adolescente, en phase avec elle-même, mais complètement contre la société. Le ballon est récupéré par les Mancuniens. Cette musique est adulte maintenant. On écoute une musique adulte. Il y a la différence, bien évidemment. Tout est en place. Et c'est très bien. Merci pour cette séance de musicothérapie. Nous allons rendre l'antenne. Nous repartons à plein les Birettes Stadium où normalement les deux tantouses sont en train de commenter. C'est à vous. Chacun est appelé à devenir saint. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté. Oh là là. Il y a quelqu'un? Il pleut à l'ombre. Oh non. Ferme la douche, Jean-Louis. Oh là là. C'est pas 25 litres d'eau qu'il lui faut à Jean-Louis pour la douche. À moitié son. Écoutez-moi cette. À moitié image. Et pendant ce temps-là sur la pelouse, bien évidemment, ça s'est calmé hein, avec ce soleil londonien qui embrouille un peu les esprits des joueurs de Manchester qui ne sont pas habitués à cette chaleur titanesque. Nous allons rentrer dans la dernière minute de cette confrontation. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Fin de la première période. Et nous allons ensuite basculer vers le rugby, voir si Pépignan et North Phantom sont capables de faire mieux. Dans le tunnel du 15. 721 et 721,5 Sportaz Experimental. La vraie fraîcheur de Londres. Remontée d'Arsenal. Arsenal rue de Libéry, rue de Péry du capitaine. Centre. Un centre magnifique. Oh, dommage. Sur le gardien tout de même. Mais personne n'y avait cru. C'est dommage que personne n'ait anticipé ce centre magnifique. Je te retrouve derrière la sacristie, petit. On y croit. Hein, non. Arrêtez les conneries. Le ballon est remonté par les Mancuniens. Manchester n'est pas la banlieue de Londres, hein, Jacques. Non, Manchester est une ville à part entière, bien nord. Au nord, effectivement. Normalement, populaire, travailleuse. Normalement, vous pouvez le dire. Il s'est embourgeoisé, hein, depuis. Avec Fernande qui monte pour la formation mancunienne. Et c'est un anniversaire qui est en train de faire des misères aux défenseurs. Droit ou gauche, londonien, et ce sera un coup franc pour les Mancuniens. Un coup franc qui peut s'avérer dangereux. Derniers instants de cette première mi-temps. Attention, attention, ne touchez rien, madame. Madame, madame, ne touchez, me touchez pas non plus. Non, madame. Voilà. Alors, Cric, je dis Cric. C-R-I-C-Q-U-E, Cric. Cric, une Cric. 12 points. Merci, vous me foutez bien. La Cric, Jacques. Vachement bien. Ouais, avec ce ballon. Avec ce ballon, s'il te plaît, s'il te plaît, Jacques. Je suis où? Là, bah, toi, je ne sais pas où tu es. Hey. Mais je te vois pourtant. Allez. Attention à ce coup franc avec l'anniversaire qui le transmet bien. Mais la défense d'Arsenal veille. Voilà. Veille et contient l'assaut du joueur brut au maillot sombre qui revient pourtant par vagues successives pour annihiler la douceur du petit jeune de Londres qui tranquillement sirote son thé. Certes, la défense d'Arsenal contient bien Manchester, mais l'attaque vaut-elle? Ben, l'attaque, elle a pas mal attaqué. Elle s'est montrée un peu inefficace, mais elle a quand même... Oh là là, monsieur Jean Goldeux. Monsieur Jean Goldeux qui a tapoté l'hostie. Avant de pouvoir... C'est bon, c'est bon, Jean-Loup, on a vu. Jean-Loup, écoute Jacques, avec ce ballon qui est contré, mais finalement ressorti James. par les mancuniens, bien évidemment. Quelle facilité avec Evra en feu qui tentait le petit coup salopard et qui obtiendra la touche. Le score est toujours vierge et nul. 0-0. En ce jour de béatification, c'est la mi-temps. Pour nous aussi. Toute petite mi-temps, hein, puisque nous allons basculer sur le rugby. Oui, c'est la mi-temps. Et nous allons partir à Nord Phantom. Ce n'est pas très loin de Londres. Enfin, c'est quand même plus près de Manchester. Et là, ils se le disent. Vous l'avez vu, cette main? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas vu la main. Hein. Il y a une main terrible. Oui, vous l'avez pas vu la main? Mais vous êtes cons! Mon Dieu, là-bas, le pape Jean-Paul II est béatifié. Vous voyez pas la main? Mais vous êtes cons! Ça commence à se chamailler un peu entre les deux formations. Est-ce que les tensions sont telles maintenant entre les équipes de gros calibre qu'on assiste à ce qu'on voulait justement éviter? Oui, Jackie, vous êtes dans le tunnel, ça bouscule. Oui, ça bouscule un peu dans le tunnel, dans celui de Fourvière, alors que l'arbitre arrive dans le tunnel. C'est la mêlée! Mêlée magnifique dans le tunnel. Vous êtes à la douche. À Pépignan. À la douche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'était une grande première, Jacques. Est-ce que nous basculons directement sur France Télévisions? Est-ce que nous restons sur le canal sportif? Tu me dis, hein, c'est toi qui as les rênes. Je suis en train de me péter la jambe, moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oula, Jacques ne répond plus. Je suis inquiet, Jacques ne répond plus. 0-0 entre Arsenal et Manchester United. C'est plutôt un résultat, Jacques, qui pour le moment arrange Manchester United. C'est bien comme résultat, Xavier. Je suis heureux d'être sur ce plateau canal, mais on est obligé de passer sur le service public maintenant. Nous partons sur le service public. Ici à 80 km au nord-ouest de Londres, et c'est ici cet après-midi que Perpignan défie Northampton en demi-finale de Coupe d'Europe. Alors c'est un défi immense. C'est un défi immense, hein, dans lequel nous nous lançons, car s'adapter ensuite au rythme du rugby, reprendre les termes footballistiques, ça va être assez chaud, je pense, mais vous allez assister avec nous, enfin finalement non, puisque nous sommes seuls. Vous n'assisterez pas, et c'est dommage, mais vous l'aurez peut-être dans le Resi Mix, le fameux 2, nous sommes deux, quelqu'un nous a rejoint. C'est bien, merci à vous, donc merci, ça se passe sur France 2, on ne sait pas, ils sont deux, ils sont trois. 2-2, alors si vous êtes le second, que le second nous transmette un petit signal par le canal sportaz.fr, hein, sur la rubrique réagissez, qui nous envoie un petit message pour se signaler. Et nous l'accueillerons volontiers. Nous allons donc passer du côté du rugby où hier le Stade Toulousain s'est fait démonter la tronche par une féroce équipe irlandaise qui n'est autre que celle du Leinster Jovial. C'est ce qu'on voit là. Ben oui, ça y est, nous allons basculer dans le rugby, donc c'est ça. Oh là là, ça va être une pagaille ça aujourd'hui. Oh là là. Moi je voudrais quand même voir combien fait Arsenal, merde. Le Stade, hein, qui a reconnu sa défaite grâce à Ginov, un produit qu'on va retrouver l'année prochaine. Ginov qui a également félicité, je le dirais, les arbitres, qui a dit que l'arbitrage avait été tout à fait cohérent et parfait au cours de cette confrontation. C'est un des rares à chaque fois signalé, bien évidemment, quand l'arbitre fait du bon boulot. Lui sape le moral, donc, cet après-midi. Il y a du sérieux. Il y a du lourd. Il va y avoir du bourpif, hein, vous inquiétez pas. Le cortex. Ah oui, ils sont tous là. Clichy-sous-roi. Oui. Et Julie reconvertie, bien évidemment. Oui, Peter avec Wall. La Hague. Isola, Newman et David Martin. Caméléon, Jean-Michel Portal. Ouais, et vas-y planter. Robert Plante aussi, non. Oula, lui prend une belle plante. Oh là là. C'est pas une plante ça. Ça c'est du steak, voilà du steak les gars. Ah voilà le repas, c'est le repas des joueurs pour la mi-temps, mais c'est quelque saignant, chose. Hein, c'est ça. Et de l'autre côté, bien évidemment, ah, pareil, il va y avoir du... Nord Phantom avec Casper. Ghost 1, Ghost 2, Ghost de Riche même. Ouais. Ghostbuster. Et Casper 1, Casper 2, casse-toi. Ghostic. Ils sont tous là. Gothica. Gospel. Right, Decathlon, Winter, Burry, John Burry, hein. Albert Flamme. Clark. Hein. Ah, pardon. Albert Clark. Je ne comprends pas les mêmes. Ah, les images décalées. Et hein. Peter Dalton. Sinon, c'est le 115. Oui, n'hésitez pas à le composer. Si vous sentez que nous sommes fatigués, appelez les pompiers. Il fait les barres, hein. Il fait les poteaux pour voir si le ballon passe entre. Eh bien, oui, le ballon passe pas entre les poteaux. Et ce ne sera donc pas 3 points, bien évidemment. Pas de drop. Moumout et Momot sont donc là et sur la pelouse. Nous avons le confrère de Jackie, celui qui hier a vendu je ne sais pas quoi. Papou. Oh ben dites donc. Ça va pas, Jacques. Les embuts de ce stade sont minuscules, je les ai mesurés, ça fait à peine 5 mètres. Ah, ça c'est important, car en plongeant, on peut effectivement dépasser l'embut. Et donc, c'est quoi? C'est plus difficile. Bien évidemment, Jacques. Un ballon, par exemple, un petit coup de pied à suivre. Si l'embut est réduit, le ballon va sortir plus facilement, plus rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi? Alors, c'est la résultante quoi, du productivisme pour avoir plus de spectateurs dans le stade? Absolument pas. C'est tout simplement parce que ce petit carré derrière est utilisé pour cultiver quand les joueurs ne jouent pas. Il y a un jardin botanique. Et donc, on cultive, bien évidemment, les produits locaux comme Venez en Irlande. Il n'y aurait pas un AMAP? Je rappelle que nous sommes en Angleterre, Jackie. Alors qu'ici, les CRS. Ils sont prêts. Ils manquent la matraque, mais tout est. Regarde-moi ça, s'ils sont costauds. Tiens, prends ça, petit jeune. Avec UPSA, hein, là, c'est la pharmacie. La pharmacie qui est là, ce sont les infirmiers UPSA. C'est marqué, bien évidemment, sur le maillot, mais les lettres ont été un peu mélangées. Alors n'hésite pas, toi qui nous as rejoint, c'est un message qui t'est adressé à toi personnellement, comme tu es le seul auditeur à nous écouter, je te tutoie. N'hésite pas, toi, Coco, à intervenir sur le site sportaz.fr, envoie-nous ton message, que nous sachions qui tu es, que nous puissions te repérer, que nous ayons ton adresse IP et qu'on puisse te faire serrer. Alors ce n'est pas l'Harlequins hein, qui rentre, c'est bien l'USAP, mais habillé de façon Harlequins. Ah bravo, Jacques. Mais c'est peut-être pour perturber justement Nord Phantom. Qui aura l'impression de jouer. Oui, ce sont deux équipes qui ne savent pas exactement qui à la rencontre. Nouvelle technique. Donc, il y a plus de suspense, plus d'authenticité dans ces matchs de plus en plus préprogrammés. Mais absolument, Jacques. Par exemple, si on dit à une équipe qu'elle va rencontrer telle équipe tel jour, elle regarde la vidéo, elle regarde comment elle joue, ceci, cela. Et le jour du match, eh bien, en fait, tu rencontres une autre équipe. Eh oui, le principe du CV anonyme. Eh oui. Il a donné son nom au stade et à la constitution du rugby. Ah ben faudrait savoir, c'est anonyme ou il a donné son nom au stade. Avec Nord Phantom, hein, nous sommes ici, ils sont là. Ils sont tous là, les Catalans. Effectivement, c'est la collection Harlequin, un petit peu là, du côté des Catalans. Avec Françoise, qui aimait tellement Gilbert, qui travaillait trop. Le château de Norfelton. Ouais. Non, pas tout à fait. C'était les drapeaux de l'USAP, là, simplement. C'était les drapeaux catalans, le sang et l'or, tu le sais bien évidemment. La Catalogne avec, bien sûr, tout ce qui comporte... toi-même, tu flaires. Oui, c'est pas bon. Mais... Attention, le time shift. Dans quelques instants, demi-finale, oui. Deuxième du nom, 2011, Coupe d'Europe, H4. Joie, hein, c'est la joie du côté de Perpignan, visiblement. Rugby, alors ça c'est intéressant. À 15. À 15. Et pourtant c'est à 16h. Oui, on va ça gentiment au ralenti, ouais. Il est 16h pile, ah, ça va commencer. Où qu'il est bien, monsieur George Clooney. Clooney. George Clooney. Cloney. Monsieur George Clooney. Cloney. Mais mal. C'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas tout à fait réussi. Attention le time shift. Attention. Ouais, hein? Non, c'est sérieux parce qu'en face, c'est des féroces. Hein. C'est une chance pour la France non, hein, que d'être en finale de Coupe d'Europe. C'est un bagnard. L'ancien bagnard qui joue du côté de Nord. Seconde, Jean-Loup. Jean-Loup, enfin, les minutes, les secondes. Oh! Récupération du ballon par Pépignan. Usap. Pépignan, Usap, le moral. Usap. Avec une montée de. Alors, ça, c'est qui? C'est Jean-Pierre Claverie, le charcutier de Perpignan. Et c'est reparti sur le petit côté. Bien joué de la part de. Oh oui, je ne sais pas si c'est David Martin qui a cuisiné ce petit ce plat du pied. Mais c'était magnifiquement exécuté. Ce n'est pas lui. Non. C'est Martin David. Touchez pas le. Touchez pas, madame, le. Non, micro, faites-le madame, avec moi là. Il était déjà suspendu pour fourchette. Hein. Qui David Martin. Oh, ça va être un match à couteau tiré, c'est sûr. Avec cuisine adversaire, c'est normal. Première intervention d'une touche. Oui, c'était une touche. Et notez, hein, notez là, c'est vrai que l'embut est tout petit. Regardez hein, sur le plan large, hein, Jean-Louis. Tu nous refais un plan large avec la. Non, parce que pas ça, un plan large, Jean-Louis. Ça met en valeur le sponsor alors. Le QBE, hein, le QBE, le quotient bonificateur éducatif. C'est pour tous les parents, bien évidemment. Le QBE, vous pourrez avoir la garantie enfant QBE, c'est-à-dire quotient éducatif. Attention, c'est ballon récupéré par Nord Fantôme. Ouais, qui planque le ballon tout de suite. Casper qui s'est mis dans le sale drap. Youpla boum. Et les Anglais vont sortir la balle. Jacques, tu m'en as parlé cette nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Jacques, tu m'en as parlé cette nuit. Tu m'as dit que Pépignan, à 4h06, tu m'as dit Pépignan peut gagner. Ah oui. C'était il y a 12h très exactement. Il y a une belle pépinière de joueurs. Merci. Avec une récupération à catalane. On va essayer de varier un petit peu les adjectifs. Ouais. Pépignanaise, catalane, sangueor. On sait qu'à Toulouse, on est pré-catalan. Oui. Je ne sais pas où il va boire son café. L'autre. Alors, il est là. Regardez-le lui. Hein. Regardez-le bien. Parce que tout le monde s'en fout. De toute façon, ce joueur n'importe il pas. Sert à rien. Rien du tout dans l'équipe. Alors, regardez-le bien. Attention. Ouais, Pépignan. Pépignan dans le camp Nord. Ah oui, mais non, la croisée était double, hein, doublement foirée avec une intervention, bien évidemment, de monsieur Georges Clonet. On est toujours en Angleterre, hein, du coup. Oui, 80 km de Londres, il l'a dit, juste au nord de Londres, 80 km. On peut rapidement revenir normalement dans la capitale pour aller suivre l'autre match. Donc ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe sur les terrains, puisque je vous rappelle, à 17h, nous partons au stadium pour le match TFC Lyon. Et entre-temps, donc à la fin de cette première mi-temps de rugby, nous retournerons à la fin de la deuxième mi-temps du foot. Brin, oh là, les gars, ça, c'est ça le multiplex, le multiplouc. Ah, le multiplouc. Le multipresque. C'est une mêlée, avec des maillots variés, hein, des maillots bariolés. C'est assez curieux cette image du rugby qui s'acoquine un peu avec oh là là, défenseur, le défenseur de Northampton qui fait 30 mètres avec 5 joueurs perpignanais sur le dos et pourtant ils avancent. Ils jouent énormément, Jacques. Destructor. On est toujours debout, ça y est, ça sort. Ouais, faut se coucher à un moment donné et on se repose un peu comme ça, sinon ça va trop fatiguer. Bel alignement de l'USAP, beau cadrage. Ouais, par contre, Jean-Louis est emmerdé hein, avec le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre, il n'a jamais aimé cette. Puis il n'a pas toutes les caméras. Il peut le prendre, il n'y a pas en avant, si, en avant, me semble. Et ce sera certainement une mêlée ou un coup franc signalé par monsieur Georges Clonet et complètement loupé. Il est en haut, ce petit ventre rouge, Georges Clonet. Il est arrivé alors quand même. Ouais. Un hamburger. Prunel, René Prunel. Il regarde de ses yeux. Bien évidemment, ce qui se passe sur la pelouse. Vous écoutez Abdo FM. Oui. Et 1, 2, 3, 4, effectivement. Ah oui, voilà, on a voir. Doucement, tu vas te faire mal. Tu vas te cloquer. Abdo FM. Tu vas te cloquer. Et poussée terrible, de Perpignan. Et finalement, l'arbitre considère que les Catalans ont bien joué sur ce coup-ci et il pénalise Nord Fantôme et notamment Casperin. Il fait peur. Il est invisible, hein, je ne le voyais pas. Ouais. Ça fait peur de ne pas voir l'adversaire. Ah, ça va sinon, ça vient là, ouais. 4 minutes 22, ça va vite, hein, le rugby, ça va très vite. C'est un beau match cup. Beau match cup de rugby, effectivement. Est-ce qu'on peut, quand il y aura un blessé, hein, nous basculerons bien évidemment sur la suite d'Arsenal Manchester. Qu'est-ce qui se passe Manchester, eh bien écoute, nous sommes en duplex. Hein, c'est la première fois que nous faisons un duplex. Incroyable. Incroyable, oui. Radio Sportaz, Innov. C'est incroyable. Incroyable. Avec une touche pour Pépignan dans les 22 mètres de Nord Fantôme. C'est un jour vous. Ça peut être bien ça. Allez, voilà. C'est pas. Ah, c'est pas oui, bon. Il faut pas la perdre, non. Mauvaise prise de balle récupérée par les Verts anglais. Ouais, les green, hein, Jacques. Les verts anglais, ce sont les green. Trop jeune. God save the green. Avec le ballon récupéré par... par la petite fin. Oh, à une main. Oh, et s'en tape deux d'un coup. Bill Dozer. Oh, joli coup. Les sables qui sort le ballon. Qui sort, qui joue bien, qui tente d'aller au large avec les amis. Oui, mais c'est pratique quand même. Ouais, non, c'est arrêté bien avant la touche. Mais quand même, c'est un petit peu trop. Quelle est la bonne ligne? Ah, visiblement, sortie de balle. Côté large, on inverse, non, on reste dans l'axe. Ouais. Non, écoute, non, c'est trop. Non, c'est match comme ça où ça, ils se bastonnent et tout ça va trop vite. On n'a pas le temps de discuter, de penser à autre chose. Là, non. Moi, je préfère le football. Magnifique coup de pied de Pépinien. Pépinien dans l'angle, là, c'est pas mal vu parce que s'il peut prendre la balle. Oh là là, il a tout pris en même temps. Le soleil, le joueur et le ballon. Du calme. Intervention. Intervention de monsieur Georges Clonet qui demande à voir le numéro du joueur. Il va discuter 5 minutes avec l'arbitre. Tu l'as remarqué toi aussi? T'as vu qu'il y a un joueur qui ressemblait beaucoup? Allez, venez ici. Vous calmez. C'est la dernière fois, je vous le dis. Il est bien dans son petit short noir, son maillot rose. Monsieur Georges Clonet, c'est pas une réussite partout, mais sinon c'est assez. Saignant. Asseyant vous d'ailleurs. Infiltration peut-être. Ouais, pour l'instant c'est 0-0, alors on est parti pour une journée 0-0 quoi, si j'ai bien compris, c'est la journée du muguet, mais la clochette ne finira jamais par trembler. Ah, c'est assez inquiétant. Alors qu'effectivement, on voit, il joue plutôt le ballon, me semble-t-il, c'est vrai que... là, il a perdu les freins. Il a complètement perdu les freins. Oh, la mini Austin qui prend cher, Ah oui, l'Austin Rover est en train de se faire défoncer de tous les côtés, la pauvre voiture. Il a bouffé l'Austin. Par contre, cette fois-ci, c'est bien joué de la part des Anglais. C'est bon. Oui, c'est l'attaque. C'est rapide. Ça peut s'infecter. Ça s'infiltre, attention, ou s'infecter, Jacques. Ça peut s'infecter aussi. Il faut faire très attention. Oh, que c'est mal joué de mettre la main comme ça et de faire un en avant. Soit c'est en hors-jeu et tu sens terriblement sanctionné, soit c'est un en avant et tu as de la chance de s'en sortir ainsi. Oui. Car c'était un coup de pied. Il n'y a pas eu de coup de pied, du coup. Non, il n'y a pas eu du coup de pied, effectivement. Je me mélange, j'ai mis un petit peu, j'ai 4 écrans maintenant et je regarde 6 matchs à la fois, Jacques, c'est pour ça. S'il n'avait pas conclu lui-même, il aurait pu faire 20 mètres et 20 mètres. Et 20 mètres, oui. C'était pas terrible. Hein. Oui, c'était pas terrible, Jacques, merci. Nous retournons tranquillement sur la pelouse de North Phantom, où pour l'instant, les Catalans tiennent. Enfin là par contre c'est tout défoncé de tous les côtés, on a un peu poussé avant l'introduction, c'est pas tout à fait réglo de la part des Anglais. Il va falloir que monsieur Georges Clonet surveille ça de près. Si ça continue, on repart au foot les gars. Ça va être vite réglé cette affaire. Au foot? On repart au foot pendant que la mêlée ne veut pas se mettre debout. On va vite aller voir ce qui se passe entre Arsenal et Manchester. Est-ce que le score a changé, Jean-Louis? Dépêche-toi Jean-Louis, il y a du changement puisque c'est... Oui, Dimitrov. Chavin, Babar. C'est la deuxième mi-temps qui redémarre à l'instant. Ouais, c'est tranquille. Okay. Ouais, maintenant au rugby. Avec un essai. Oh ballon récupéré par North Phantom. Oui. North Phantom qui. Oui, on essaie d'aller au rat. Au rat. On essaie d'essayer, oui, ça c'est vrai. Tiens, ton coup de pied il était là, mais il a été contré. Avec une récupération des Anglais, toujours. C'est tranquille hein, sur cette pelouse, baignée de soleil. Mais décidément, l'Angleterre, c'est plus que c'était, le réchauffement climatique profite à certaines régions, effectivement, qui subissaient les foudres de l'humidité et de la pluie. On en a peur par avance. Intervention, touche, qu'en est-il? Faute. Un olivier sur le sol irlandais. Ça pourrait bien arriver, bien évidemment. Grâce au réchauffement climatique, les Anglais pourront pousser des olives. Attention à ce ballon, Jacques. C'est une touche au bénéfice des Anglais. Oui, c'était une touche philosophique que je vous ai lancée. Personne n'a relevé, vous êtes que des bourrins. Vous êtes des bourrins. Cubu. Il n'a pas tort, hein, sur le rugby, quand même, on se laisse aller à commenter virilement, Jacques. Et, c'est vrai. Et je le regrette profondément. Vivement le foot féminin, là, fin du mois. Le 26, très exactement, ouais. 21h, sur une chaîne de la TNT, chaîne gratuite. C'est intéressant. Ah, nanavant. Nanavant. Ouais, t'es pas loin, là. Ouais, mais c'était nanan. Ballon sorti pour les Pépiniennes et Pépinian qui attaquent maintenant avec le boucher de la rue Cataline. Le boucher de la rue Cataline maintenant qui amène la crème catalane, la crème qui la sort, qui la balance avec l'osso bucco qui a ramassé tout ce qu'il fallait. Et les Catans, les Perpignanais, les amis des Languedoc-Roussillon qui continuent d'attaquer profondément et ça chamaille. Ah oui, oh, mais ça va. ça va se mettre du Bourfus dans la gueule. Non, là ouais. C'était pas possible. Pour là, le drop, là, c'est bien. Là, c'est pour bien, le drop, c'était plus possible. Oui, mais il a assuré quand même. Il n'a pas tenté le pire. C'est vrai. Le ballon est récupéré Pignon. Par, me semble-t-il, les Catalans. Les Catalans un peu lents, justement. Il faudrait peut-être jouer plus rapidement ces sorties de balles et essayer de mettre en défaut la défense adverse qui a là largement le temps de se replacer. Là, ça le drop quoi, de 50 mètres. Oh, mais on se refuse rien. À côté. Ah oui, à côté. Mais en, pas plus, mal, pas en, mal. En dessous, à côté, complètement loupé. Non, mais attends. Oui, mais on se préchauffe. On s'attend apparemment à plus des coups de pied qu'à des essais. Manifestement, les deux équipes se craignent. On se préchauffe. Rien du tout. Ce qu'il y a de bien avec les couleurs catalanes dans la tribune, c'est que tu les vois. Même si t'es pas nombreux, que t'es regroupé, tu vois un truc rouge et jaune là qui attire l'œil. Et c'est ça, le peuple catalan. La Catalogna, Barcelona, Neve, Pignan. Merci, Jackie. Nous sommes dans le duplex. Dans quelques instants, nous allons retrouver les commentateurs, mais en attendant, un peu de musique. La liste de mariage se fait. Non, de musique, je te dis. Une poésie, un climat sans pareil sans doute, c'était la sonate pour clavier Kirkpatrick 466 de Domenico Scarlatti, dans l'interprétation de Vladimir Horowitz. Très bien, merci à tous de meubler quelques instants pendant ce match de rugby. Ce ballon sort tranquillement maintenant, il est bien mûr. Ouais, il est mûr, oui, ce ballon. Et ce sont les joueurs anglais qui sont pas mal du tout, me semble-t-il. Oh, avec Père Noël, Pignan. Jean-Pierre Père Noël. Exactement. Et le ballon est-il récupéré par les Catalans sans intervention de monsieur Georges Clonet, complètement loupé. Et le ballon est cette fois-ci anglais. North Phantom avec Casper 2. Casper jeu aussi. Il la met tranquillement derrière. Il joue les Anglais. Les Anglais jouent. Avec North. Oui. Lionel Hampton. North Phantom. Oh là, il a le droit de lui faire ça. Oui, bien évidemment. Une intervention cette fois-ci de Georges Clonet. L'arbitre au maillot rose, aux shorts bleus et aux fesses serrées. Ça attention à ce ballon, ça joue vite, mais il s'est isolé le bougre de con. On est obligé de lâcher ce ballon. Bien évidemment, fait. Et c'est fait, et c'est bien fait pour les Anglais. Toujours avec Guitou la framboise, et Guitou la framboise qui récupère le ballon. Dit Jojo la canette, appelé comme ça parce qu'il les ouvre avec la bouche. Cuillère. Et maintenant c'est Cuillère Jones qui met par-dessus. Par-dessus. Ah, on va aller... coincé sûrement là, non, dans on la va les touche, coincer, normal. Non, le ballon n'est pas sorti, intervention visiblement, non, oui, non, pénalité signalée par Georges Clonet qui a le ventre plus haut placé, hein. Je ne sais pas si on peut voir les images Jean-Louis de Georges Clonet, regarde, il a un ventre haut placé, je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis, le repas n'est pas passé, il est en pleine digestion visiblement, en tout cas c'est Georges, c'est fauté, c'est Georges. Genre hors jeu, donc signalé par Jacques, magnifique, avec QBE, donc quotient bonificateur éducatif. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous êtes des parents indignes, à contacter. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux là qui sont un peu énervés. Et là aussi. Le soleil, ça tape. Oh là. Il y a de très jolis chocs. On dirait une publicité, le mec. Absolument, avec toutes ces couleurs et tout. On a plutôt l'impression que c'est une réclame. Alors attention, c'est un premier coup, Jacques, c'est vrai, c'est bien de le signaler, effectivement. L'avantage des Anglais pour une ouverture du score avec un 3 points, plus 1. Ouais. Bon, l'ouverture d'esprit, c'est plutôt pour nous, mais l'ouverture du score, effectivement, nous aimerions bien qu'elle arrive, qu'elle se présente, qu'elle soit là, bonsoir, qu'elle vienne, bonjour, qu'elle arrive. Je vois tout. Ah, ce soleil londonien, si rare. Si réchauffant, pénalité pour North Phantom, mais c'est à côté, c'est loupé, toujours 0-0 entre les deux formations, Pépignan tient le choc. Ça ne bouge rien. J'ai l'impression que Pépignan tient plus le choc aujourd'hui que Toulouse ne le tenait hier, Jacques, hein, même s'ils avaient ouvert le score d'entrée, mais là je sens bien les Pépignanais. C'est vrai, un bel équilibre dans ce match, cette demi. Pépignan, en finale, Pépignan. Oh là là, vous devenez complètement con, mes amis. On écoute cette musique de Billy Tiss avec. Oui, les graves, tout chéri. Oui, enlève ça. Ah oh. James. Kala James. Kala James. Oh là là, Kala James qui a reculé. terriblement et se sent. Oh, il est passé. Oh, le grand bougre de coquin. Oh, le grand bougre de coquin. Ils s'endossent, ils reviennent bien. Ils s'endossent. Surtout, ils endossent là. Ah, oui, là, c'est le goal. Là, par contre. Là, il n'y a pas de souci. C'est goal. Goal par Nord Phantom. Et tu as vu, il ne faut pas plonger trop loin. Sinon, tu te retrouves en dehors du terrain. Eh bien, c'est pour les joueurs anglais. Magnifique essai après moult de moult mouvements. Essai au moment où on voyait Perpignan tranquille. Ah, quel sale. Un plaquage loupé dans la ligne et ensuite eh bien, il est difficile de se replacer en mouvement et on change de côté intelligemment. On voit qu'il y a un surnom ici, c'est fait pour les Anglais. Go go go go go go go go go go go go go go go go go. Bravo les cocos, bien joué en soleil, essai, drop, but, penalty, coup franc. Ça fait plaisir de voir des points, vous voyez, dans le rugby, les points arrivent assez vite quand même, contrairement au football où on a quand même du mal à s'emballer, à laisser aller le goal, à laisser sortir bien évidemment toute la rage qui nous habite. Hein, et bien là, le rugby nous permet d'expulser cette joie intense. Et c'est au moment où on espère, Pignon, prends-moi. Qu'on change d'opinion. Attention à cette transformation, 15 minutes 54, 5, 6, 7, bientôt 8, 9 à 16 minutes, Northampton peut passer à 7, attention, il se prépare, c'est important. C'est pas loin, 7 de Perpignan. Ah oui, c'est goal. 2 points de plus pour les Anglais, qui paf à fête. Ici Northampton, encore une équipe française se fait tanner le cuir. Eh ben c'est pas mal. 7-0 pour les Anglais. 7-7. L'an dernier c'était une finale franco-française. Cette année ça semble partir pour une finale anglo-anglaise. Hein, tout simplement. La la la. 7-7-F. Très exactement. Seven. Récupération du ballon par les Perpignanais qui vont voir la galère, donc il va mettre le ballon trop bon, il va être non rendu aux Anglais qui vont pouvoir le relancer bien évidemment. Attention. On s'attend à un score du type 7-21 maintenant. Merci. Oh là là là, les plaquages. Oh, c'est la farandole. Oh, mais il nous fait de tout. Il nous fait de tout, le type. Oh, ils ont remonté 70 mètres tranquillement, juste en galopant. Il est encore là pour récupérer ce ballon et le sortir pour un partenaire. C'est fait, les Anglais sont aux abords des 22 mètres. On va charger. C'est la bascule du match peut-être, la première en tout cas avec les verts qui poussent ah, les verts. Ah oui, oh, là il pousse, là il repousse par contre. Il a été expertement repoussé et ils ont toujours le ballon des Anglais malgré les impacts féroces des Pépignanais. Les Anglais ont la ballon, quelle musique, c'est cette musique d'essai, cette musique de match de mort, cette musique de croque-mort, cette musique de sépulture, cette musique, attention. Les 22 de Perpignan. Ils sont là les Anglais avec une fois de plus peut-être un surnom. Non, il avait essayé de passer juste les bras pour donner un partenaire, mais il n'y parvint pas. Giggs. Et ils se sont mis à la faute les Anglais. Perpignan s'en sort super bien, bravo. Ouf. On réclame un câlin là. Oui, ouais, effectivement, il voulait se faire serrer dans les bras. Ouais, mais l'entraîneur n'est pas disponible. Et regarde-moi ça, gentil. Même au ralenti ça va trop vite, Jean-Louis. Même au ralenti ça va trop vite. C'est beau. Oh ouais, c'était beau. Oh, Charles, ah, ouais, c'est du foot rugby. C'est du rugby, oui, pas du foot rugby. D'accord, on n'a pas l'impression que c'est du rugby parce que. Merci Jean-Louis, merci. Et ça filtre partout. Oui, mais c'est du ralenti. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un blessé, il y a quelque chose. Oh là, regarde ses attitudes, cette allure, ses cheveux au loin. Oh, qu'il est beau! Mais qu'il est beau! Beau gosse, effectivement. Et pendant ce temps-là, Jean-Louis a raté quelque chose. En plein effort, hein. Je ne sais pas si vous avez eu votre gueule quand vous courez à fond, vous. C'est quand même quelque chose. Alors que lui était beau, même en plein effort, mesdames. C'est pour vous, ces images. Et pour vous, l'homosexuel qui est en foot. Ballon récupéré par Pépignan avec une musique qui est salvatrice. Pépignan qui a la balle, qui tente d'attaquer. Maintenant ça chamaille, ça va chamailler dur. Et à mon avis, il va y avoir de l'œil crevé et de la guibole explosée. Le ballon est récupéré sur une musique gentillette et souffre sauteuse. Le petit ballon pour Pépignan. Pépignan qui attaque et longue chandelle. Chandelle magnifique et magistrale, mais belle récupération. Il a le droit de le faire dans ses propres 22 mètres et du coup il contre-attaque. Il est fou, c'est un grand fou qui donne la balle intelligemment à un partenaire. Oh, dommage. Ah mais ils sont sympas ces joueurs anglais. Ils font vivre le cuir. Merci pour la musique. Hein. Merci, merci Morchestre. Payez le Morchestre. L'homme orchestre apparemment. Et on voit ce qui s'est réellement passé. Ça jouerait vite que ça ne m'étonnerait pas. Le grand fou, ce grand fou qui donne un ballon. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Si celui-ci est assis à la voie, non. Par contre, il manquait des pieds sur la tête qu'il avait oublié. On va voir ce qui s'est réellement passé au ralenti avec BP Zoom. Il roule au BP Zoom, me semble-t-il. Ce sont les couleurs d'une station-service qui me rappelle quand j'étais jeune et que je m'arrêtais à la mobilette où je prenais du BP Zoom. Sinon, elle ne marchait pas. DJ 1er mai, c'est parti. Demi, Perpignan. Nyan. Pépignan. Pépignan, maintenant au rond-point de Catalogne. Au rond-point de Catalogne où il y a du monde. Oh là là, les vacanciers anglais sont féroces cette année. Mais il y a du monde au rond-point de Catalogne. On y retourne. Là, on est coincé hein, pour l'instant. Les embouteillages. Ne prenez pas la voiture cet après-midi. Avec les embouteillages au rond-point de Catalogne. En départ pour juste là, la vacance. Là, c'est Perpignan. On est pris physiquement. Alors, même si la petite combinaison ça, c'est bon, fort sympathique. Ouais, bon, c'était pas facile allez, ça. Allez. Ouais, voilà, voilà. Il faut inventer, innover, les amis, si vous voulez marquer. Oui, oui, oui, il y a le vent. Donne-la maintenant. Oh, pourquoi revient-il à l'intérieur alors qu'il y avait de la foudre là-bas. Par favor. Allez, on emballe, on emballe. On essaye d'emballer. On aide Perpignan. C'est pas mal. Ah oui, lui, par contre, là, il s'est scellé. Là, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et du coup, il perd le ballon, effectivement. Oui, on le sait. Et les autres fous anglais qui transmettent magnifiquement. Va-t-il chercher la touche? Non, il renvoie le joueur Perpignané dans son camp. Celui-ci n'étant pas habitué à taper au pied, il fait n'importe quoi. Robotor, parce qu'il a pu pour la défense de Perpignan. Il a relancé, du coup, les Anglais. Les Anglais avec celui-ci, ce 15 qui est fou, ce 15 qui est absolument magistral. Envers et contre touche. Mais ils n'y vont pas. Non. Ah non, ils n'y vont pas. Non, mais ils sont bien là. Hein. Ils sont en train, effectivement. Tout à l'heure, je te disais que je sentais bien Perpignan. Ah un oui, petit peu là... mieux que Toulouse hier. Mais là, du coup, ça commence à. Ça les a commence à douter un peu. Ça. Effectivement, ils m'ont l'air particulièrement virulents, ces joueurs anglais. Ah oui, ils ont remonté d'un cran à la partie là, depuis qu'on a dit ça. Oh là là, et puis, oui, et puis ils vont nous châtier, nous obliger à plonger, à faire des exploits à chaque fois pour les arrêter. Ils vont nous châtier, je dis nous, moi, les Catalans et l'équipe perpignanaise. Oh là là, oh l'intérieur magnifiquement joué, dommage. Technique, c'est beau. Oh, oui, ça galope à mort. Alors là, c'est pas Arsenal, Manchester. Hein, moi, je peux te le dire, un petit coup de pied sympathique et salopard. Mais bonne intervention de la défense cacaca, la défense cacadane. Une petite musique sympathique pour calmer les ardeurs des joueurs. 22 minutes de jeu ici à North Phantom et 7-0 pour les locaux. Oh alors cher public, encore là, merci. Ouais, oui. Alors qu'il y a un Arlequin qui est touché et un Anglais également, certainement une histoire d'amour qui part mal entre un des joueurs de chaque équipe. Oh putain, prochain sportaz tout de suite. Effectivement, car nous sommes dans le prochain. C'est assez curieux. Et avant-dernier sportaz tout à l'heure. Attention avec Alice in Wonderland qui bloque tout le poc. Boogie Wonderland, hein, Jacques. Alice in Wonderland. Avec le ballon sorti par John Peter, qui l'a ce ballon? Ce sont les Catalans. Ah oui, on a vu, hein, North Phantom encore qui réapparaît. Ils sont plus nombreux que prévu. Ouais, c'est plus décompté. Finalement, c'est un bon dégagement de la part des Anglais. Toujours Fate. Jean-Loup, ras du sol. Ouais, Jean-Loup, c'est la nouvelle truc à Jacques. Ras du sol, Jean-Loup, la marotte. Vous écoutez les programmes de Radio Sportaz, Expérimental et Super Frais. Toca para Pépignan. Pépignan qui fait la touche. Pépignan qui joue bien ce coup-ci. On ne se foire pas. Le petit ballon par-dessus. Oh, c'est magnifique. C'est beau, c'est... Oh, ça c'est laissé. On joue à deux. Oh, intervention. Pourquoi? Ah, il s'énerve un peu. Ah, oui. Et Jacques Marty qui essaie d'en distribuer à tout le monde. Non, non, il ne doit pas. Il ne doit pas. Jacques Marty, il en distribue à tout le monde. Hein. T'en prendras tout à l'heure, il le dit, t'en veux de la cuisine, tu vas en avoir. Je vais te rigoter, moi, de voir. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ralenti est important, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un non-non avant après l'arbitre? Y a-t-il une position de hors-jeu? Y a-t-il quoi? Pourtant, le coup de pied est très bien, ils sont derrière le donneur. Il y a très bon, il y a bon. Très bon. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Georges Clonet? Ouais. Rien. Alors c'est une pénalité pour les Anglais, pour les Allemands, pour les Italiens. C'est une pénalité finalement pour qui? Pour Kif. Celui-là, on l'oubliera pas. Hein, c'est... Ah mais c'est une pénalité pour les Anglais. Alors là, je n'y comprends rien. Ouais. Que s'est-il passé, saloperie? Mais oui, personne n'y comprend rien. Réaction de Christophe Manas, parce que lui, il a vu évidemment le ralenti. Eh oui, voilà, un privilégié qui a vu le ralenti. Et on ne peut pas tout voir, permet de critiquer l'arbitre. Alors, Jean-Louis, c'est une belle pénalité. Elle est lointaine, hein, quand même, pour le joueur anglais. Ouais. Mais ça ferait 3 points de plus. On passerait à 10-0. Ça deviendrait chaud pour les Pépinianais. Malgré la vidéo, le rugby est finalement aussi injuste que le foot. Finalement, on se retrouve comme des cons. Attention donc à ce ballon. Il va s'envoler vers les airs. Et ça, c'est go. C'est dedans et c'est ça retourne tout. Oh là là, ça change tout. Malgré la main de Vidic dans la surface de réparation, les Anglais mettent 3 points. Ah, on est déçus là. Qu'est-ce qu'il y a? On voit cette petite action avec effectivement un plaquage qui semble tout à fait normal. Là, c'est comment il le met dans le vent. Là aussi. Oh là là, quelle belle classe. Ouais. C'est reparti 10-0 pour Northampton face à Perpignan, demi-finale Coupe d'Europe de rugby. 1er mai 2011 en direct live Radio Sporters. Sorti Nord Fantôme pour John Peter. Casper qui dégage le plus haut possible et le plus loin pour pouvoir ramener les Perpignanais dans leur moitié de terrain, mais ceci récupère la balle avec la Hague. La Hague qui est prise par tous les commissaires, nutritionnistes et professionnels. Bonjour et bienvenue dans Spartan 721 et 721 et demi. 721 et demi, le foot et le rugby. Et ça gueule, hein, sur le banc catalan, ça chie, la crème catalane est renversée, ça ne passe pas comme il faut. On va refaire ça comme il faut. Enfin, ils ne sont pas grillés encore. Non, tout va bien. Hein. Il n'y a que 10-0, Jacques, c'est rattrapable, mais à un moment donné, il va falloir s'y mettre quand même. Apparemment, il y a encore de la joie. Oui. Est-ce qu'on a un jingle, nous? Parce que là, il y a du temps mort. Hein. Il y a du temps mort dans ce match de rugby, sinon on va voir Arsenal-Manchester quelques instants, c'est comme vous voulez. On a d'abord un mot illisible. Sportage. Quelque chose, mais qui n'est pas lisible, se produira. Encore un mot illisible. Sportage. Ah, mot illisible. Radio. On peut construire du fantasme sur, en gros, rien. Enfin, radio. Sportage. Sur, finalement, une pauvreté de source absolument affligeante. Perpignan, c'est radio. USA. Excuse-moi, mais je vois Perpignan aux USA, là. Je suis un petit peu... Ouais, ça va passer. Ça va pas passer. Aux oubliettes. Oh, qu'est-ce qui s'est réellement. Oh là. Oh, il y a un en avant. Il fait un en avant. Oui, il a fait l'en avant. Et voilà. Jean-Louis, et oui. Ouais. Alors, il s'est passé quelque chose. Hein. La pénalité a été renvoyée, me semble-t-il, par le vent. Perpignan la tête. Hein, et là. Oh là là. Ouais, là, c'est Perpignan hein, qui est François Perpignan qui a complètement. Quel dommage, et ce sera un super mêlé pour Northampton, mon équipe favorite. Chic. Lande longue. Allez, dans cette mêlée, beaucoup d'espoir. On y va. Pour Perpignan, peut-être de récupérer ce ballon, ce serait la moindre des choses après avoir bévu. Oui, enfin, bévuer, du verbe faire la bévue. Bien évidemment, 28 minutes de jeu hein, dans cette confrontation. 10-0 pour Northampton, les équipes françaises de clubs de rugby passent un sale, très très sale week-end. Pour l'heure, hein, mais c'est un petit week-end hein, dans le reste de l'année où il y a d'autres sports qui nous attendent. Ouais. Alors là, cette mêlée n'arrive pas à se faire. Là. Qu'est-ce qu'on peut pour la mêlée? Est-ce qu'on peut étayer? Est-ce qu'on appelle les maçons? On appelle un architecte? Qu'est-ce qu'on fait avec le double ventre de monsieur Georges Clonet? C'est un éboueur. Ouais. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Je ne sais pas. Hein? Un boueur, vous voulez dire. Il n'y a pas de sale métier. Un boueur, vous voulez dire. Non, c'est ça. Le ballon est pour l'instant arrêté. Tout est arrêté. La machine est arrêtée. L'image est arrêtée. Le match est arrêté. Tout est arrêté. Je ne sais jamais quand est-ce qu'ils arrêtent vraiment le chrono. Cette fois-ci, c'est une pénalité. L'arbitre, monsieur Georges Clooney, considère que les Perpignanais ont écoulé le mêlée. Et finalement, c'est pénalité pour nos fantômes. Attention à vos gestes, amis de Perpignan. On n'est pas là pour perdre la tête. Et fêter le 1er mai n'importe comment. Jean-Louis, où est-ce qu'il a réussi son petit coup de pied en touche? Oui, non, ce sera quoi? Est-ce qu'on va prendre les 3 points du côté Northampton? Non, du tout. Ouh là là, on veut en châtier immédiatement le Pépignanais. Jack. Oui, Jack. Et alors? Belle touche, belle prise, belle conquête. Belle conquête. Jack ils ont réussi à rester debout. Et maintenant, ils vont s'organiser pour enfoncer le pack catalan. Alors, comment faire pour enfoncer un pack catalan? D'abord, tu pivotes, tu contournes, tu passes par Carcassonne. Ensuite, tu repasses par Banyuls. Et là, tu sors parce que tu es encombré. Le rond-point de Catalogne est encombré. Nous vous invitons à prendre les routes départementales. Oui, là, c'est bouché. Là. Ah, c'est bien bouché. Là. Bien, mais je sais pas. Évidemment, il y a un accident, un carambolage. Là, et bien évidemment, les services de secours arrivent. Patafou. C'est un peu n'importe quoi. Bon, sortez-nous ce ballon, s'il vous plaît, messieurs, jouez là maintenant. Alors. Voilà, c'est sorti voilà, pour les faut devenir sérieux pour que vous le deveniez aussi. Vous êtes un peu oh, chiant. Oh, ça, c'est beau. Et c'est le décalage. Ah, oui. Oh là là, il y ah, va. Oui. Il y va tout de suite. Oh, goal. Magnifique. Oh, goal. Hasta goal. Oh, goal. Hasta goal. Oh là là. Hasta magnifico. Là là là là. Avec une pequeña musica. Pequeña musica de gol. De Northampton marque un deuxième essai au nez à la barbe des Perpignanais. Et lui, ça part à la trappe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le rugby français se fait éclater. Et lui, ça part à la trappe. Aïe, aïe, aïe. Le rugby français se fait éclater. Tu le chopes, tu l'attrapes. Et lui, ça part à la trappe. Mais attendez, on y va un peu vite. Hein. Oh oui, et puis en plus, le dernier fauchage peut-être mérité même un carton jaune pour le Pépignanais qui en a été l'auteur. Et voilà ce qui nous fait désormais 17 à 0. Suspense. Ouais, ça va se passer dans la tête. Mais ça se passe surtout dans l'embute, là. Hein. Pour l'instant, les essais comptent. Et oui, avec un superbe. Il a mis tout le monde dans le vent. Il a mis Jacques Marty. Il a mis tout le monde dans le vent. Magnifique petit crochet intérieur. Et surtout, belle. Regardez ça, il finit le travail. Magistral. QBE. Eh oui, c'est un élève élevé, bien évidemment, au quotient bonificateur éducatif. Dont il a bénéficié. Oh là là. Oh, il a tout pété. Oh, il a tout pété. Ensuite, il a ramassé derrière. Et ça y est, c'est parti pour la Giflus. C'est la partie de Giflus. Benedictum, Bourpifum, Casum. Cathédralas. Ouais, on se chamaille un peu, voilà, ça bouscule. Et oui, les Pépignanais sont vexés. Et ensuite, ils ont fait en plus une lourde faute. Il aurait pu tout lui péter, les reins, la cervicale. Il aurait pu le mettre mal. Alors, je ne sais pas, il va falloir voir ce qui s'est réellement passé, Jean-Louis, au ralenti. Et ensuite, nous irons, parce que ça risque de traîner un peu, voir ce qui se passe sur Arsenal-Manchester. C'est Waterloo, là. Je pense qu'ils vont nous remontrer l'image. Effectivement, le Pépignanais, il est allé démonter le candidat adverse qui était en l'air. Et là, il aurait pu carrément le tuer, le killer. On va discuter un peu entre arbitres. Tu vas au cinéma ce soir, toi, après le match? Oui, je vais à 21h. Qu'est-ce que tu vas voir? En VO. Ah, okay. Ouais, en VO, je sais c'est pas. Début, c'est quoi? Parce que j'ai vu hier, j'avais les images aussi. Tu as vu les images avec le film là et tout avec Non, là, je me concentre sur le match. Oui. Je me souviens pas encore le ça film. Ça va bien, pourtant, c'est bien. Hein. Ok. À tout à l'heure, peut-être, là, tu te souviens du film à ma place, tu me préviens avant. Oui, je viendrai. Que je sois sûr de. Oui, d'accord, ok. Pas de problème. Ok. Rien compris, venez ici vous. Allez, c'est le catch jeune. Il est jaune, eh oui, bien évidemment. Il eut peut-être plus grave, plus rouge ce carton, bien évidemment, plus teinté. Mais pour l'instant, nous satisferons du carton jaune pour le jeune Jean Delon. Plus dur sera la chute pour Pépernion. Ouais, enfin là, pour lui, à mon avis, la chute ne peut pas être plus dure. Si on revoit les images au ralenti, je pense que c'est très grave. Voyez-vous, alors si vous avez quelques instants, soit on prend du grave à l'image, hein, comme ça on voit un mec se fracasser en l'air, soit, eh bien, nous allons voir si Sénal Sersignan, Pincester, c'est de la terre. Comme souvent dans le sport, c'est sur un moment d'injustice que ce match a basculé. Enfin, un moment d'injustice, non, Jacques. Très franchement, je suis inquiet pour l'intégrité physique du joueur qui a subi cet outrage. Oui, enfin, ils sont préparés. Non, là, ouais, pas tomber sur les cervicales. Non. S'il y a une règle qui les protège, c'est qu'il y avait une raison quand même. Oui. Non, ils interdiraient le plaquage, ils interdiraient les rucks, le bourre-pif. Mais il ne faut pas être à double discours alors. Hein. Il va mieux. On entend aujourd'hui dans les écoles de rugby que c'est un sport de combat. Oui, mais regarde là, c'est plus du combat, c'est du. Ah, oh là, oui, effectivement, il aurait pu tout lui mettre en l'air. Il est solide, le grand 8. C'est un grand 8, effectivement. Il a fait le grand 8. Il est monté et il est descendu. On ne le sait pas assez, mais il y a des accidents, effectivement, avec des handicaps au bout pour des professionnels. Oh ouais, mais là, c'est la réalité du sport. Oh, c'est flagrant. Oui. Merci Jean-Louis. Les Pépinianais qui sont déjà menés 17-0 sont réduits à 14. C'est vous dire la merdaouillous, comme on dit là-bas, dans laquelle ils se sont mis. Il y a du monde à la plage. Ouais, oh là, il prend la tête un peu là quand même. Ouais, je pense qu'il lui prend la tête. Docteur Mouse. Au gant bleu. Et ce sera une touche pour Nord Phantom fort, hein, fort dans le jeu, fort sur sa pelouse, fort dans l'esprit. Nord Phantom est en train évidemment de massacrer tout d'abord, de dominer totalement son sujet, d'être maître de la situation. Il ne m'étonnerait pas que Nord Phantom profite de sa supériorité numérique pour aller en marquer un troisième avant la fin de cette première période, c'est qui commencerait à faire lourd. Supériorité, c'est une pub. Hein. Excuse-moi. On a bien entendu cette fois-ci, j'ai fait un peu pchit. Attention. Oui, l'orchestre de la fin du match, ouais. Là, mais pour l'autre match. L'orchestre du fils harmonique qui arrive, bien évidemment. Attention, on y va. Du fils harmonique. Oui, donc forcément, vous l'avez compris, une belle récupération de la part d'un joueur de Nord Phantom. Ah. Oh là là, mais cette musique, c'est du hautbois, ça. Ça, c'est du hautbois. Ah oui, ça c'est le hautbois. Écoutez là, la différence entre le hautbois et la clarinette. Attention, ce ballon est chaud et il est obligé de le mettre en dehors du terrain tellement l'embu est petit et court et mesquin. Merci Robin Hautbois. Merci derrière, effectivement, l'orchestre du fils harmonique. Un très bel orchestre. Puissant. On voit quelques actions ralenties. Hein. Jean-Louis se délecte aujourd'hui avec ce soleil qui lui tape sur la tête. Jean-Louis est heureux. Jean-Louis est fou. Il se marie samedi et il n'en peut plus. Mais il préfère le foot, hein, objectivement. Ça va moins vite. Dégagement tranquille pour les Pépinianais, mais ils sont loin. Ils sont loin d'abord de la finale et ils sont loin de l'embu anglais pour pouvoir retourner ou espérer retourner la situation, bien évidemment. Retrouve-moi sur le 08 633 33 482 et il y a deux lignes blanches. T'as, comment veux-tu qu'on passe quelque chose? C'est pas facile. Hein. Voilà, ça c'est quand même. Ce ballon c'est est beau. C'est rugby. Oui. Beau vert. Ouais, ouais, ouais, mais le cortex là qui n'a plus toute sa tête avait pris la balle tout seul et il s'est mis en faute tout simplement. Là ils font un peu tout et n'importe quoi les joueurs catalans. Il faudrait qu'ils se reprennent. Cela dit, ils jouent à 14. Et alors? Ils jouent en Angleterre. Et donc? Ils jouent en demi. Oui, après? Ils tendent la joue. Le joue vous attendait, bien évidemment, sur le finish. Il est là. Candelarouche. In the wind. Dans la tramontane, effectivement. Écoutez, mes amis, essayons de nous reprendre. Hein, parce que je viens d'avoir un message comme quoi nous ne commentions pas assez ce match, que nous étions trop dissipés, que c'était sérieux, que c'est pour ça que Pépinian n'arrivait pas à se caler. Ça, c'est sur France Dieu, hein, pourtant. Touche à l'avantage de Northampton qui a deux essais dans les escarcelles. Oui, mais cette fois-ci, il a perdu la balle. Sur le contre Pépinianais, attention, on revient trop à l'intérieur. Ce sont les Anglais qui ont récupéré, bordel. S'il te plaît, Jacques, nom de Dieu. Ce sera un en avant Pépinianais avec une offensive supplémentaire, une occasion de plus pour les joueurs de Nord Phantom de prendre le point, d'aller hanter une fois de plus l'embu catalan qui en a déjà pris deux dans la musette. Il est peu connu. Saloperie. Et joli contre. Bon ralenti. Ouais, la touche reste quand même un des rares domaines aériens hein, du rugby où l'homme s'élève. où l'homme s'élève, Jacques, voilà. Ok. Mais le monde appartient. L'homme. Le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Ou qui se couchent star. Oui, c'est pas le même point de vue du départ. Ça vient enfoncer un petit peu, mais monsieur, on ne sait plus si son maillot est fuchsia, violet, rose ou bonbon. Et si ses décisions sont la même chose. Si, apparemment il tient à peu près bien la route hein, de ce côté-là, mais sur la tenue, monsieur. Ouais, peut-être monsieur Georges Coulonnet, là, il n'est pas tout à fait. Il tient la route, mais enfin, on est en avril. Hein. Oui, Jacques, s'il te plaît, là, tu... Attention, hein, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, madame. Nous jouons les dix dernières minutes, hein, les dix dernières minutes de cette première période. Il est là, Candelou. Ok, qui attend son tour hein, pour coin de revenir. Instant libre pour les deux équipes. On va voir au rugby là, au foot, vite fait là, tu peux aller vite. Appuie sur. Appuie sur le truc là. Vite micro fait. Vert. 32. Pourquoi 32 Qu'est-ce qu'il a mis 32 Arsenal Manchester. Arsenal qui mène, on a loupé le but. Allez, con. Il reste un quart d'heure à jouer, on va faire la fin du match Arsenal Manchester tout à l'heure. Tout à l'heure. On fera les 10 dernières minutes, hein, très exactement, puisqu'on va rester encore 5 petites minutes sur cette confrontation ici entre Pépignan et Nord Fantôme, tandis qu'on nous remontre le premier essai de la partie inscrit par celui-ci qui se montre particulièrement dangereux avec cette course folle du grand, grand Gaillard qui marque à son tour. Oh là là là. Incontestable équipe absolument. De Nord Fantôme pour l'instant. Et pas vraiment contestée, dira-t-on, par la formation catalane. Oui, mais qui s'est un peu piégée toute seule. Peut-être là, ce moment où on lui a refusé un essai étouffé. Étouffé. Un essai étouffé, Jacques, étouffé par l'arbitre. Et on est une fois de plus sanctionné. Beaucoup de fautes, fautes signalées par l'arbitre, alors qu'on pensait les Catalans forts sur la mêlée fermée. L'arbitre les sanctionne énormément dans la joie. C'est ce que je vous disais, il y a un problème psychologique hein, dans l'équipe de Perpignan là, depuis. C'est-à-dire, cette injustice donc, qui a énervé, agacé les joueurs de Perpignan qui ne sont plus tout à fait concentrés sur le jeu, leur technique et leurs points forts. Bien évidemment. Et bien, écoute, je trouve que c'est une analyse tout à fait parfaite de la situation en ce moment même ici en Tam où les joueurs sont dans une catastrophe nationale. Le passage de la Belle au Bois dormant. Oui, on y va. Là, c'est quand même plus sympa. 37 minutes de jeu ici. Et pénalité pour les Anglais qui mènent déjà 17 plus 3, ça ferait 20-0. Jacques, ça ferait quand même un score. Non, il va toucher le bois. Un score difficile. Le bois. Dormant. Je rappelle que ces joueurs ont été élevés au quotient bonificateur éducatif qui permet bien évidemment. Oh là là, il est pas bien. Il était. Ça dit... Le médicament fait effet. Ça lui a fait mal d'entendre quotient bonificateur éducatif. Et c'est dedans tout de même. Et là c'est clair, c'est 20. Ouais, et là, Jacques Bruni. Jacques Bruni. Est-ce que c'est 20 d'ailleurs ? Non, peut-être pas, Jacques. Alors, y a-t-il une histoire de vent au lieu de 20 ? Il va falloir vérifier ça. Mais vent à zéro, effectivement, ça commence à faire beaucoup pour la formation catalane. Hein. Gunland ne semble pas tout à fait capable d'aller renverser l'adversité. Sporteuse à consommer avec modération. C'est le maillot hein, qui doit être lourd à porter, je pense, pour les Catalans. Là, peut-être qu'il y a trop de couleurs dessus. La peinture pèse et ça commence à être difficile pour ces pauvres joueurs. Tandis que du côté de Nord Fantôme, c'est la cavalcade. Ah, pénalité. Pour Perpignan, mais... Il est gentil. Il est gentil, monsieur Truc. Il est allé très vite pour signaler cette pénalité. On a plongé du côté anglais. Il sent que le match a trop basculé d'un côté. On est en train de lui dire suspense. Ouais. Et Perpignan ne prend même pas les 3 points. Carrément, Perpignan ne prend même pas les 3 points. Perpignan veut aller chercher l'essai alors qu'ils sont réduits à 14. Mais ils sont fous. Mais ils sont complètement tarés dans leur gestion, même s'il y avait un point d'écart. Oui et non. Mais Jacques. Qui est un endroit en même temps où on se sent bien. Combien sommes-nous pour l'instant, Jacques? Combien peux-tu m'annoncer le chiffre officiel après cette bascule? Toujours deux. Alors j'aimerais bien savoir qui nous écoute. J'aimerais bien savoir qui chez nous, chez lui écoute, car moi je sais, je suis connecté donc ça fait un. Quel est le salopard qui nous écoute, c'est les RG. Touche dangereuse à l'avantage des Perpignan qui cette se soudent. Qui se soude, qui se soude. Et là, ils vont essayer d'aller faire jouer la force et de contourner bien évidemment là. Voilà, le jeu de Perpignan. Le vrai jeu. Voilà, go. Ouh là là. Ils ont bien fait. Et bien finalement, tu vois, on a eu peur qu'ils l'aient. Bien, ils ont magnifiquement exécuté l'affaire. Ils ont tout déchiré sa mère. Et goal pour Pépignan. Jean-Louis, intéressant, ça ils savent faire. Avec le monstrueux seconde ligne qui part là, qui déboule tout, qui amène tout, et c'est goal. Est-ce qu'on peut le voir sous un autre angle, Jean-Louis? Merci. Côté anglette. Voilà qui va faire du bien à la catalanité, bien évidemment, qui était en sommeil, la catalanité. Alors lui, dis donc, il a c'est quelque chose. Hein. Il veut te parler, Jacques. Il a trop de jaune. Il veut te parler, il a deux mots à te dire. Et là, j'ai peur pour toi. Attention, il faut transformer ça pour revenir dans la partie. Ce serait bien. C'est déjà pas mal. Oui. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Oui, ça va leur remettre un peu de baume au cœur et surtout avoir l'impression qu'ils peuvent effectivement le faire. C'est vrai. Les deux frangins, c'est pas. Hein, ils sont pas ils tout font à fait. La gueule, ils se font la gueule. Ouais. Attention. Transformation importante pour louper Perpignan. Oui, c'est pas mal, il fait bien. Mais oui, Coco, mais bravo. Mais bravo, mon petit. Mais c'est bien. Pépignan 7, Nord Fantôme. 20. Et mi-temps. Mi-temps qui nous permet de filer directement maintenant sur Arsenal. Nous enchaînons. C'est des cadences infernales. Et tout à l'heure, je vous le rappelle, à la fin de ce match, nous partirons au TFC, au Stadium, pour TFC Lyon. C'est reparti. Arsenal, Manchester. Arsenal qui a pris le dessus avec un petit but. Nous n'avons pas plus d'informations puisque nous revenons dans le direct. Bien évidemment. Alors, ça fait la joie de Chelsea, ce score-là, puisque ça permet aux Londoniens, les autres, de rester à distance de Manchester. Et pourquoi pas espérer encore pouvoir briguer le titre. Puisque c'est un match de championnat de League One anglaise entre deux équipes On n'en finit jamais. Je vous rappelle que vous aurez même pas fini le match, qu'il faudra enchaîner la deuxième période. Pépignan, là je pense que vous allez exploser mes amis, parce que ça fera quand même 3 heures de direct non-stop, et là vous allez en péter. Mais c'est l'anniversaire, Joyeux anniversaire à Radio Sportaz, car Sportaz est antérieur, vous le savez, l'émission existait avant sa radio. Touche au bénéfice de Manchester United, c'est joué rapidement. Vexado, bien évidemment. Mm-hmm. Alors, j'aimerais bien savoir qui a mis ce but. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous afficher quelque chose? Même s'il y a une grosse main de la part d'un défenseur londonien, mais qui, c'est la contre-attaque avec Arsenal. Jacques Senal qui peut la transmettre. Non, il a gardé, oui, il n'a pas vu revenir à l'autre. C'est bon, peut-être le second pour nous. Poteau. Oh, dommage, personne ne s'est déplacé. Attaquez-la! Il a pris des risques, Van der Star, et du coup, il s'est dit qu'il valait mieux dégager en touche que prendre le coup de se faire contrer et encaisser le second immédiatement. Attention, Jacques, c'est chaud, ça devient très chaud. Oh, Sport 721 et demi, vous en souviendrez. Contre voilà, peut-être c'est là, pour c'est là qu'il fait bien Arsenal, le truc. Et ensuite, ralenti est beau, le magnifique. Personne n'y va là-bas. Remontée de Manchester, mais pas pour longtemps. Belle intervention du milieu de terrain, voire défenseur d'Arsenal, qui va tout seul comme un grand fou. Bon, c'est la contre-attaque, il veut la enchaîner et enfoncer le clou pour tuer Manchester jusqu'à la fin. Là. Non, c'est une intervention. Ouais. Et pourtant, il avait bien anticipé la feinte. Fabia, la félicité à la Skoda Fabia qui clignote de partout. Est-ce qu'on peut avoir ça au ralenti? Jean-Loup, effectivement, elle est bien anticipée. Manifestement, but de Ramsey à la 56e minute. Hein. Ramsey 2. Ramsey 1. Et Manchester 2, voire 0. Ce score est nul. Ce score est nul à chier. Cette musique-là, vous écoutez, cette musique-là qui me transperce qui me transperce tout. Attention à ce coup franc pour Arsenal. Appliquez-vous. Appliquons-nous. 7 minutes à jouer dans cette confrontation entre les deux formations. 7 minutes avec Van der Star qui bronze. En même temps qu'il joue, il prend le soleil gratuitement, tranquillement, bénéfiquement. Prépare la saison. À la retraite, lui, il prépare, plus exactement, puisqu'il arrête après la belle petite frappe, mais directement dans les gants du portier. Qui assure. Qui relance à la main, côté gauche, on cherche du soutien. Si on le trouve. Cherche des soutiens. Tiens, on redégage côté droit, il y en a. Il y en a, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, et c'est Arsenal qui récupère la balle. Arsène n'est-il plus le maudit? Arsène peut-il enfin gagner contre un gros concurrent? Arsène a-t-il vaincu le signe indien? Bon, une fois tous les 300 matchs. Ça. Un petit coup de chance sur un malentendu, ça passe, et puis cette fois-ci... C'est bon pour lui, mais ça n'est pas fini. Alors attention, DSK qui rentre. Ah bon? T'es sûr? Ah oh, non, c'est pas, il n'a pas encore signé. Hein, DSK. Jean-Loup, tu m'as. Il se chie dessus. DSK. Oui, et puis il a mis décision trop... sans caca. Je pense qu'il a mis trop d'argent à gauche. Attention, c'est pas long. Ah, c'est Carrick. Bill John Peter Carrick qui rentre avec Michael John Peter Owen qui sort, à moins que ce soit le contraire. De toute façon, tout le monde s'en fout. On est tout seul, mais qui est la personne qui nous écoute? C'est vous, madame? C'est vous, madame, qui nous écoutez? Allô, allô, qui nous écoute? Envoyez un message sur sportas.fr. Nous voulons savoir qui tu es. Tais-toi! Steven? Albert. Oui, non, il est remonté tout seul, il va pas mal, bien évidemment. Non, vas-y, continue, c'est bon, pour le ballon dans les pieds d'Arsenal, qui pourrait aller classifier définitivement la formation. Maintenant, ils vont sur la droite, un bon petit centre, pourquoi pas le but, on ralentit l'action. 1-0 pour Arsenal dans cette fin de deuxième mi-temps. Le championnat anglais relancé. Absolutely, Jack, et personne n'a suivi alors qu'on s'en sait. Arsenal, je me demande quand ils ont marqué un but, vu ce qu'ils font quand ils sont en possibilité de le faire. Ils sont fébriles, peut-être aussi. Oui, ils font brille, ça c'est sûr. Là, ils font brille à mort. Mais pour l'instant, allez, ils remontent avec Jack Chabin. Oh, les Saints, ils contrôlent. C'est bien fait, oui. Oh, dommage, mais ils vont le marquer ce deuxième, oui. C'est pas possible. Recuperation des ballons par Manchester. Attention, avec cela, il faut double tout faire. George. Ouais. Merci les amis, avec monsieur Jean Goldeux qui en attend un, bien évidemment, hein, puisque le compte n'y est pas. Heureusement que je suis un petit peu tout ce qui se passe. Le duplex, c'est mon fort. Tout noté. Avec Beautiful Song, hein, Beautiful Song, Beautiful Coupe, Beautiful Guy. King Song. Beautiful. If you want, Jack. Ballon dans les pieds mancuniens. 4 minutes pour les joueurs champions, certainement champions, parce qu'on ne voit pas comment ils pourraient être rejoints, même si Chelsea s'accroche. On ne va pas confondre avec Auchan, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même politique. Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a un est propriétaire de l'autre, quand même, Jack. Hein. L'appellation champion. Et ce sera une touche, hein. on a du mal à finir ce match, hein. Nous ne le cacherons pas. Et je crains pour la période de Perpignan, car là nous avons déjà fait plus de 4 heures de direct et qu'ensuite ça va devenir difficile, notamment pour les jambes. Touche pour Manchester qui transmet derrière à Vink. Vink qui garde la balle et qui transmet à Poc. Ouais, on met le système double, des doubles. Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Châteauneuf-du-Pape qui joue. Ça m'étonne un petit peu quand même dans cette confrontation. Ah non, no pénal. Hein? No pénal. Il réclame, hein, Bill Bickle Owen qui réclame le pénal. Mais il ne l'aura pas. Que s'est-il réellement passé? Est-il retenu? Est-il retenu un petit poids là? Jean-Louis, tu poids, mets les doublures. Hein. Avec beaucoup de flotte. Avec beaucoup de flotte, Jean-Louis. Merci, oui. Ah non, bah, ça va. Hein. Oh ouais, le taureau a été tué. Magnifique levée, jetée, épaulée. De... On jette les mouchoirs. Faire du son. Mais là, monsieur Jean Goldeux, il n'en peut plus. Hein. Jean... Il est un peu fatigué. Il commence à tirer la langue et à montrer l'hostie. Côté droit, c'est intéressant pour Manchester. Ouais, c'est très bien pour Manchester. Manchester qui dégage et difficilement pour une fois de plus cette fois-ci, c'est Arsenal qui récupérera le ballon par le gardien et qui va faire jouer la seconde. Go in. God says go in. Puisque Jacques nous l'informe, bien évidemment, nous sommes encore dans les effluves du mariage où nous étions vendredi. Invité par la reine. Il a dit oui, Liam. Ouais, faut qu'elle ne le quitte pas. Bien évidemment. Ne me quitte pas. Ballon récupéré, qui quitte pendant ce temps-là? C'est bien la question que je me pose. Le ballon qui est remonté. Un peu court, Jacques. Remonté par Manchester, tout. Eh bien, ça sera la fin de cette confrontation entre les deux clubs. Et Arsenal semble filer tout droit vers la victoire avec une bonne petite contre-attaque ici. Possibilité d'aller marquer le deuxième but et de clore le chapitre, mais ils n'auront pas. Oh là là, il est venu l'enfler, le salopard. Le Hollandais relance bien pour Manchester qui croit encore again. Et qui se fait faucher. Merci Jacques. Attention, ça va couper. Coffrant pour Manchester, maintenant coffrant. Oh la chorale, l'Arsenal qui intervient désormais, qui chante la victoire de ses champions. En nommant chaque joueur, bien évidemment. Et dégagement du portier, l'Arsenal. Tout le désarroi des supporters adverses. Qui voit la défaite poindre et l'en sauter à la gorge. Gorge clonée, bien évidemment. L'orchestre du fils harmonique. Merci. Ballon sur la droite pour Manchester. Nous revenons à plein l'Emirates Stadium avec un bon petit centre. Mais cette fois-ci, le portier. Arsenal se décide à la balle et gagne du temps. Nous allons rentrer dans le temps additionnel. Je vous demande de vous tenir correctement. Oui, la musique du temps additionnel, vous voyez, c'est pas folichon tout ça. C'est pas très sale. On fume pas, on boit pas, on s'emmerde. 4 minutes de temps additionnel et je me fais belle. La la la la la, de temps additionnel, je me fais belle. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai? J'espère que tu comprends. Oui. Parce que là, tu vois, c'est là qu'il faut le faire. La valse pour la fin du match, donc avec le grand orchestre du Fils-Harmonique. Et Manchester qui continue d'attaquer, il y croit bien évidemment. Le temps reste pour marquer ce but égalisateur. Yeah. En direct de London du sang. Et pour l'instant, nous en sommes à 6,73 litres. Le ballon dans les pieds des Mancuniens. Oh, papa. 1-0 pour Arsenal. Et il faut tourner pour aller égaliser. Mais ils n'y arriveront jamais. Jamais. Mon costeur à l'attaque. Tac, tic, tac. Et Arsenal qui frappe, les prend, il sort. Le ballon, petit but. Toujours 1-0. Jusqu'à la 94e. Minute. Ralenti de Jean-Louis. Mais où c'était permis. Mais il ne l'a pas mis. Arsenal 1. Manchester 0. Au revoir. Alors, Arsenal. L'extrayeur du son. Ce son. Elle est dans le fil, le fils à Monique, il envoie sa mère. Hein. Ah, c'est magnifique. Allez, on arrête. Ah, ça aurait pu aller très bien pour la fin, mais ça n'est pas terminé. Il faut continuer, mais soyons professionnels jusqu'à la... Et surtout les Anglais, hein, souvent la dernière seconde, retournement et but. Retournement aussi. Alors, attention à cette petite balle. Je vous rappelle que nous enchaînons directement ensuite avec le rugby qui va reprendre dans quelques instants. Repris, non, pas tout à fait. Non, non, non, non. Pêchons-nous. C'est la question de ce jour de béatification. Pêchons-nous. Alors qu'on voit les essais Schumacher. Non, c'était Arsène qui regardait si on lui avait pas. Schumacher, pardon. Schumacher. Attention, Mickey Rooner qui s'est fait grocheter, Mickey Rooner. Ah. J'ai un putain de coup franc de sa mère. 35 mètres. C'est un sacré putain de coup franc de sa mère. Pour moi, qui c'était, hein. C'est Michael. Oui, oui, c'est Michael. Michael, c'est le fils à René, là, il a. Michael René. Il a mis sa mère. Quoi. C'est un putain de coup franc. Arrêtez les micro-parés. Arrête. Attention à ce satané coup franc. Car il y a du tireur, notamment. On écoute, amicalement. Non, c'est dangereux, c'est derniers instants. Il faut arrêter. Ah oui, d'un côté on tremble, de l'autre on espère. C'est ça aussi le sport, hein. Ça met quand même deux émotions face à face à chaque fois. Arsenal-Allemagne. Manchester à terre. Avec un anniversaire qui se tente, mais c'est contré par le mur londonien. Qui est fragile, qui est fébrile. Oh, attention, il faudrait être un petit peu plus féroce dans l'engagement du côté. C'est sifflé bientôt. Non, c'est pas sifflé, non, on va souffler. Mais c'est pas sifflé. Dégagement pourtant un peu rapide, me semble-t-il, le londonien qui rend facilement la balle à Manchester et qui pourrait le payer très cher. Car la minute n'est pas terminée. Nous sommes dans la dernière seconde du arrêt de jeu. Allez. Et il manque Cunyan la balle, il balance devant avec Super Nani. Mais celle-ci ne prendra pas le ballon. Mais c'est dégagé par Arsenal. Arsenal qui va gagner, ça y est, c'est fait. Yeah. Partons directement au rugby, ça y est, c'est reparti. C'est reparti, 42 minutes et 46 secondes, 47 secondes, et oui, je vous l'avais dit. Ah ouais, c'est reparti. Ouais, c'est reparti, on n'arrête pas, donc en gros, c'est du non-stop. Non-stop. Ouais, sorti, on va essayer de souffler, attends un peu quand même, parce qu'on se remet dedans comme des fous, là. Le score n'a pas bougé, 20 à 7 au bénéfice des Anglais dans cette demi-finale de Coupe d'Europe de rugby dans ce Sport à 721, 1er mai 2011. N'oublions pas que les Catalans ont marqué juste avant la fin de la première période, mais ce sont là les Anglais qui sont déjà là, dans les 22 mètres, dans la surface de réparation. La surface de réparation, effectivement. Ils sont dans la surface de réparation, Catalane maintenant, les Anglais avec John Peter qui sort ce ballon, qui donne un gros qui défonce tout, le gros qui défonce tout, et qui avance. C'est Bébert, Bébert, Lusconi. Attention à cette connerie que vous sortez. Ah oui, ah oui, y a-t-il hors jeu? Non, il est bien, bien contré, mais il se fait retourner dans tous les sens, je pense. Voilà. Et il m'étonnerait qu'il ait la balle. Si, les Catalans l'ont bien joué. Oh, quelle défense, le match qui est terminé. Ouais, c'est l'ordre qui est terminé, celui-ci a bien repris. Dégagement, clan, clan. Ouais, on espère juste pas de prolongation, mais sinon c'est bien. Ouais, je passe d'un sport à l'autre comme ça, de ne jamais lâcher l'enfer. BFM Business partout dans le monde. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, madame. On souffle quelques instants. Et si on allait se prendre un petit jingle à un moment donné. C'est le dernier, hein, ça c'est. Ah, c'est le dernier. Ça, le dernier pour la route. Hein. Ah, on prend des risques alors. Nous travaillons avec deux jingles seulement sur deux matchs et demi. Ah, il y a la touche. Le quotient bonificateur éducatif, je vous le rappelle. La touche. On va suivre la touche. Tant pis pour le jingle. Les abeilles vont butiner sur les fleurs. Oui, sur l'acacia. Hein, ce sera de l'acacia, Jacques. Du miel d'acacia. Il est bien plus goûteux. On le vend plus cher, bien évidemment. Et il retrouve tout ça, le gros, il y va tout seul. L'armoire à glace. À grâce. Oui, oh non, attention, alors là, ça va être la vida. La vida. Parce que ça va durer un moment pour voir si l'essai est valable ou pas. Mais à mon avis, il ne l'est point. Y'a pas. Allez, on y va. En parlant de vidéo, on vous rappelle effectivement le petit plus de Radio Sportaz, le dernier né de la collection On s'améliore. Mais tout de suite, nous avons un décrochage avec Radio Bling Bling. Robert Fuchs, il a vécu de 1847 à 1927, pour être tout à fait précis. D'accord, mais si tu n'as pas essayé pour être tout à fait précis aussi. Hein, aussi, il a pas. Aussi. Il a bien touché le poteau avant de pouvoir aplatir. Et ça n'est pas goal. Radio Sportaz, au son, le son. Attends, je fais des étirements. Radio Sportaz, au son, le son. Ah, hein, ça y est. Au son. Oui, ça va, Jacques. Merci. J'avais entendu, même si j'avais pas compris. Non, il le dit l'arbitre. Non, pas essayé. Et on revoit, oh là là, on revoit Bulldozer. Qui est décaterpillar tout. Mais quand même, il se fait arrêter, malgré sa puissance, sa férocité. Il faut le prendre par le bas. Ouais, juste à la cheville. Hein. C'est une touche bleue pour le Catalan. Elle est belle. Ah oui, elle est très belle. Ça, c'est une très très très très très très très très très très très très très belle touche. C'est une love touche. Sorti Catalan, on joue et au contraire, attention, on joue avec le feu. Avec le feu, mon ami, du côté Catalan. Pas d'autres matchs là, vous dites? Non, hein? Non, si, dans quelques instants, un TFC Lyon. Mais qui sera pas seul, hein. Nous pourrions avoir plusieurs confrontations, un multiplex dans le multiplex. Alors ça, ce serait extraordinaire, une grande première, nous allons foutre un bordel monstre sur l'antenne, nous allons mettre tout le monde, nous y compris. Et l'orchestre du fils à Monique également, qui nous aura accompagné tout au long de notre émission. Je crois que 3000 personnes ont défilé. Ah bon? Ah, ça fait du monde, hein. Allez, on ne s'est pas défilé, Sportaz 2 en 1 pour ces 1 an de Radio Sportaz à la vôtre. On y va, hein, Jean-Louis, on y va Jean-Louis, gentiment. La contraction. Du César, hein, Jean-Louis. Deux équipes qui se frottent et qui s'y piquent. Un petit peu. Qui se piquent au jeu en tous les cas. Belle récupération de John Peter Flashton. Flashton qui a du mal à livrer son ballon, mais il le fait quand même. Et oui, on pousse dans l'axe, on a le droit de le faire du côté de Pépignan, mais non, c'est récupéré par North Phantom. North Phantom avec Casperin. Casper jeu, Casper tout, Casper Zach, Casper tu donc. Casper rien pour attendre. C'est incroyable tout de même. Belle défense catalane et pépignanaise très exactement puisque Pépignan est plus petit que la Catalogne et donc je cible mes commentaires. Mais North Phantom est plus petit que Perpignan. Alors ça par contre j'en sais rien du tout. Tiens. Moi non plus. Bon, alors là je ne pourrais pas te dire le nombre d'habitants déjà de Perpignan, encore moins celui de North Phantom. Et d'ailleurs ils ne sont pas tous comptabilisables à North Phantom, les habitants. Attention, effectivement, ils attaquent les Anglais. British, British Company, Air Force Now, with the Big Burger. The Big Burger qui est attrapé par les Catalans, mais qui maintient quand même le ballon et qui peut le livrer à un partenaire qui tente de s'infiltrer dans le côté petit salopard. Verhagen. Sur les pointillés du terrain, ça ne va pas lâcher, mais là, il y a un petit surnombre magistral. Il y a un bon petit surnombre pour les grande sautée, oui. Avec grande sautée, j'aime ça. Grain de beauté, grande sautée. Et la suite. Réouverture. Oui, réouverture. Open wild. Là, le magasin est ouvert, donc on peut livrer les produits. Voilà qui est fait. On balance pour les livreurs. Non, pas bon. C'est pas bon. On perd un peu dans le timing. Grande sautée again. Un grand saut. Là, là, de grand saut. Oui, ah, ça c'est joliment fait, ça par contre. Retour intérieur de la part des Anglais qui continuent de progresser dans un jeu de mouvement parfaitement exécuté. Et rapide. Et intervention de monsieur Schnouf à mort, c'est-à-dire monsieur Georges Clonet qui signale une pénalité contre Pépignan. Ça c'est moins bon déjà. Pépignan est sanctionné. Pépignan, Pépignan. Pépignan est sanctionné. Pépignan, Pépignan. C'est la liette, pète, pète, pète. Quoi, quoi, gracias. Grande chiasse, oui. C'est donc une pénalité au bénéfice des Anglais. Je vous retrouve dans quelques instants. Merci d'être passé quand même, Françoise. On écoute ce qui se passe réellement. Le ballon qui est libéré, c'est ça qui est bien. Effectivement, il y a un petit truc, mais on ne peut pas le considérer volontaire. Trop petit. Non, trop petit pour être signalé. Ah, c'est ralenti, vraiment. Je vois bien que tu les aimes bien, Jean-Louis. Oui, et toi aussi, tu ralentis, mais alors comme il faut. Le ballon est perdu, hein, je vous le dis tout de suite. Le ballon est perdu, mais il est là, au pied du joueur, qui va tenter de bonifier cette pénalité. Voilà, il a les yeux, il se révulse lui-même. Il est épileptique, non ? Oui, c'est assez curieux, ce mode de concentration chez ce jeune joueur. Et on va faire André Brutus. Ah oui, qui est bien rasé, bien coiffé. Bien embusqué. Tuile Huggy. Qui va remplacer je ne sais pas qui en tous les cas pour l'instant. Mais on surveille cette pénalité. Allez. qui est bien, qui est très bien, qui là, est parfaite. C'est le temps pour Northampton qui continue. Temporaire. Oh là là. 23-7 pour les Anglais face à Perpignan qui s'éloigne de la performance du jour. Oui, une finale de Coupe d'Europe, H-Cup de rugby. Ah, c'est dommage. Mais on ne peut contester pour l'instant la relative supériorité de la formation anglaise et qui semble un petit peu plus pouvoir dans le jeu inscrire les points quand il le veut. Well, bien évidemment. Alors, à tout de suite. Eh ben non. Ça va devenir de plus en plus dur, effectivement. Pour qui? Pour vous, pour vous aussi, je crois que ça va devenir de plus en plus dur. Même si nous avons du son, à gogo, nous avons du saucisson, nous avons du caleçon, nous avons du palisson, nous avons tout ce qu'il faut comme son. Pépignan, j'ai récupéré à mort. Ah oh là là, oui, on a fait rentrer Brutus. Immédiatement, Brutus qui se met au bouli. Ouais, ouais. Oh, on se jette pour récupérer ce ballon. C'est féroce, hein, je pense que c'est le temps dur, Jacques. C'est le time show, c'est maintenant effectivement que les points vont être marqués, que les points importants vont continuer alors qu'on se plaque sans ballon. Mais maintenant, c'est un petit peu n'importe quoi sur la pelouse avec Charles Watchman et pénalité par Pépignan. C'est au moins un deuxième essai hein, pour le 15 catalan. Ah oui, un deuxième essai le rapprocherait s'il était transformé 14 et là ça deviendrait tout à fait intéressant parce que là 16 points d'écart c'est encore beaucoup trop. Car le temps passe, nous sommes déjà à la 50e minute, il n'en reste plus que 30. Je catalorgne. Ouais. Cette équipe, bien évidemment, Northampton ne la redoute pas vraiment, hein, la Catalogne. Ouais, je ne vois rien. Oh là revenir, là, hein. Regarde Brutus, il est lancé. Le trucker. Tapé deux mini Austin. Finalement, il n'a pas défoncé autant qu'on pouvait l'espérer. Hein. Ils lui ont laissé la place, il est tombé tout seul. C'est solide des fois quand c'est petit aussi. Jean-Louis, c'est quoi? C'est une touche, merci Jean-Louis. C'est une touche pour les Pépignani. Gnagnan. Pépignan. Gnagnan. Corazon. Dans le canglais, c'est jouable, c'est prêt. C'est tout... prêt. Ah oui, bon. Enfin, qu'il a la chaussure en l'air un peu. J'espère qu'il le lâche un peu, sinon il est retourné dans un sale sens. Le pauvre garçon, il doit être mal à l'aise. Touche. Sous cet empilement humain, l'autre est en short à poil. C'est maintenant un peu n'importe quoi. Ça bouge. C'est du beach rugby. Oui, du son of beach rugby. Du rugby beach, tout simplement. Ouais. Là, on va s'écrouler juste dans avant le sable. Ouais, ouais. Dans le sable, juste avant la flotte, hein, très exactement. Et pénalité signalée par monsieur Georges Clonet. On a du mal, on se mélange un peu. On discute quand même un petit peu entre les joueurs. Oui, de... c'est Monsieur Cloné là, Jacques. Monsieur Cloné. Cloné. Cloné. Ouais. Effectivement, ça va pas fort. Ah, il est là, John Alomou. Méconnaissable, il a perdu 44 kilos, il a rajeuni. 15 ans, hein. il a 15 ans. Il est revenu en arrière, mais seuls les grands peuvent le faire. Il les joue pourtant pas en arrière. C'est une pénalité qui a été décidée en pénal touche par les Perpignanais qui se souviennent qu'à la fin de la première période, Jacques, ils ont marqué un essai. Perpignan. Boulem, boulem, loupa punch. Non. Excusez-nous de cette intervention dramatique d'un ami. Attention, attention, il est parti en touche. Et oui, il est parti en touche. Oh là, oh là, il peut jouer vite. Mais il a le droit de le faire. Ah tu bon sais qu'il a le droit de la jouer vite rapidement. Oui, si ouais, personne n'a pas touché le ballon. Une provocation. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Mais l'arbitre ne le prendra pas valable. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne laisse pas faire ce genre de choses qui est dans l'esprit même du rugby. Alors ça, c'est quand même merde. Alors ils veulent jouer vite. Ils ont le droit. Ils en ont parfaitement le droit. Ah non. Ça joue de plus en plus vite, c'est vrai, mais quand même. Ça va, vous, les gars? Est-ce que vous en voulez? Si j'en ai. Rejoignez-moi derrière l'orchestre. Je suis derrière l'orchestre, Francis. Monsieur le chef. Je vais chercher Matos. Ouais, ben l'orchestre du fils harmonique. Je vous dis tous, madame. Ouais, viens me chercher, viens, enfin, viens chercher le truc. Lisez sa gamme de vêtements. D'accord. T'as les sous? Si je quitte pour un. Internet. Oh, la contre-attaque, la concracaque. Tu es dans le jeu. Terrible, terrible. Heureusement, Jacques, elle a été rapidement annihilée parce qu'elle pouvait être particulièrement dangereuse. Tu sais qu'une contre-attaque de 80 mètres, c'est comme un aspic à 50 cm. On espère de laisser avoir du taf essai. Oui, hein, qui a entamé sa campagne ou sa campagne contre Zion Super Crew. Et pour l'instant, c'est au stadium et non pas. Ah, plein les Mirettes Stadium, ça n'est pas tout à fait le même. Les Galions ne jouent pas. Vous avez vraiment des vieilles fiches. Je suis tout long. Ballon dégagé par Nord Phantom, par Casper Huit. Casper Huit qui trouve un catalan fou, un catalan plein de tramontane, qui a dans l'esprit bloqué, et dans la tête. Ah oui, là, il est bloqué comme il faut, là, effectivement. Allez. Et puis, salement bloqué. J'espère pour lui qu'il a été retourné du bon côté. Voilà qui est fait, puisque nous apercevons le ballon. Sky Surf. Oh là là là là, tue la gueule, qui a défoncé l'adversaire avant de pouvoir livrer son ballon. Ouais, écrase purée. Presse purée, très exactement. Le ballon est remonté gentiment avec un petit hommage, bon, bien évidemment, très délicat, mal, mais ça va aller directement dans l'embut et ça permet, bien, même peut-être un peu plus loin encore. Oh là là, c'est pas bon pour Pépignan. Quand le ballon va au fond, on revient vers l'avant. Ah bon? Et oui, quand le ballon sort de l'embut, regarde jusqu'où on revient. On revient à l'endroit même où le ballon a été tapoté. C'est pas bien. Je m'en souvenais point de ce point. Il y a plein de nouvelles petites règles comme ça dans le rugby. Ça évolue chaque année. C'est pour ça que c'est compliqué. Quand même, c'est compliqué déjà, mais oh, c'est sympathique. Alors, c'est impliqué. C'est impliqué. C'est l'intermezzo. L'intermezzo, parfaitement. Mais c'est un sport qui bouge, qui innove, qui essaye quand même de favoriser le jeu, très exactement. Arbitre qui est à moitié sourd. Oui. Il y a le maillot qui commence à se confondre avec celui des Pépignanais. Attention, Jean-Louis. Introduction. À cette sale mêlée. Tipeee. C'est parti pour Nord Phantom. Nord Phantom. Défoncé. Défoncé, là, sur la mêlée. Un petit peu, oui. Ça a été chagriné. Finalement, l'arbitre rend le ballon aux Anglais. On ne sait pas trop pourquoi. Il faudra surveiller ça là aussi. Considérer que ça n'était pas tout à fait bien entré en mêlée dès le début. Oui. Je suis étonné de ne voir aucun message sur le site sportaz.fr. Combien sommes-nous? Toujours deux à écouter cette retransmission. Hein? On n'est plus à 0-0 en tout cas. On n'est plus à 0-0, on est à 23-7 très exactement. Et moi je veux le chiffre officiel, stable. Bien sûr, stable donc de... Qui donc nous écoute aujourd'hui? Ça c'est quand même assez spécial. D'Île-de-France. En Île-de-France, c'est une première indication. Vraiment. On va voir votre IP dans quelques instants. Si vous envoyez un message, sinon non. Si, moi j'ai l'IP. Ah, mais c'est pas pareil. Pour faire flipper. On va pouvoir les insulter. Attention, le public s'en va. Pour tous. Qui arrive, qui arrive? Qui est là? À nous Paris, hein. Apparemment c'est en Île-de-France, ça se précise. On chasse l'IP. Ouais, on va vous avoir. Alors Roger. Ça se concentre, c'est la mêlée ordonnée. pharmacien cloné. Et là, ça m'a envoyé la purée. Allez, on y va. Allez, il est seul temps pour Perpignan, effectivement, Jacques, d'aller marquer des points, Hans. Maintenant, il leur faudrait des points. Allez, défonce tout. Tu fonces tout. Et non, c'est pas mal, tout. C'est pas mal. Santé, oui, non, on met la pression. Oui, on met la pression, mais leur fantôme. Ah, ici, tout de même, il faut lâcher les mains, sinon ça va être la cavalcade. Le ballon est sorti par les Anglais qui continuent d'attaquer et qui sortent rapidement le cuir pour déstabiliser la défense adverse. Mais cette fois-ci, c'est ralenti. Un petit coup de pied histoire de déstabiliser l'adversaire. Ce ballon ira jusqu'au bout, peut-être. Non, bonne intervention. Harle Queens. Ouais, oui, John Peter. Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre qui s'est fait. Mais non, mais il continue. Oh, ce grand sauvage et grand. Il a bien gagné une bonne trentaine de mètres, Jean-Pierre. Et là, il perd 25 ballons, c'est dommage. Ouais, pas récupérer le ballon. Bah oui, mais bon, c'est bon pour Nord Phantom. Ce sera soit un en avant sur l'avantage, soit une balle d'attaque pour les Anglais. Petit coup de pied par-dessus. Non, on continue à mettre le pressure là-bas. Il n'y a personne, personne. Et ça va aller en touche. C'est très beau. Oh, monsieur, c'est l'émotion. C'est l'émotion que vous pouvez faire ça. C'est assez dégueulasse. Ce sera donc une... Oui, c'est quoi cette musique là derrière? C'est les pompiers au ralenti. On se fait dessus. On est déjà déçu. On essaye avec l'orchestre du fils harmonique de remettre ça en état. Mais là, c'est les pompiers. Ouais, de Perpignan. Les pompiers Perpignan. Allez, Jean-Louis, tu vas nous faire du changement, Jean-Louis. On arrête ça, s'il vous plaît, derrière, parce que ça fait quand même... Ça prend un peu, on dirait... film américain quand les sirènes n'arrêtent pas de hurler. Combien vous dites-vous ? Pour l'université, c'est... D'accord, pour l'université. On est mûr pour... Belle touche, belle prise. Ouh, mais difficile tout de même. Mais non-intervention de monsieur Clonet. On a renvoyé le ballon directement dans les mains anglaises. Pépignan, arrête, on te dit. Ouh, oh, il va vite. Par contre, tu regarderas, il y a quelque chose de curieux, Jacques, quand les joueurs ne sont pas dans l'ombre, mais dans le soleil, il n'y a pratiquement pas d'ombre du joueur, tu vas voir. Ce ballon va aller là-bas, regarde, il n'y a pratiquement pas d'ombre, hein. C'est assez curieux, il doit être midi en Angleterre, je ne sais pas. C'est un petit peu fou ce qui se passe avec les horaires et les heures, avec une contre-attaque une fois de plus de la part des Anglais. Oh là là, les grands, le grand, le fou qui est dans les 22 mètres, ils sont plaqués trop haut, ils progressent, ils avancent, et en plus ils donnent le ballon qui est jouable. Bien joué, Perpignan. Décroche tout. Ah oui, c'est cuit la gueule là qui est allé défoncer tout ça pour récupérer ce cuir qui vaut si cher désormais, puisque nous sommes bientôt dans les 20 dernières minutes de cette confrontation et que Perpignan a besoin de points. Et pour marquer les points, il faut avoir le ballon. Non, là, c'est juste une touche. Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Je n'ai rien vu, madame. Pour tout vous dire, on n'a pas... Alors, rien vu du tout. Et patron, j'ai trouvé de la dynamite. Pendant ce temps-là, ça joue un peu au rugby sur la pelouse. On nous envoie des messages sympathiques. Mais c'est bien tué la gueule, là. La gueule qui est allé récupérer cette balle avec courage, abnégation, volonté. Et Jacques. Merci Jacques. C'est votre son offert aujourd'hui. Oui, on va se finir gentiment. Ces 20 dernières minutes vont être particulièrement sympathiques avec ce match qui se continue et cette équipe française une fois de plus qui se fait sortir de la compétition à ce stade alors que l'an passé nous avions une finale franco-française. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que les demi-finales se jouaient à domicile. C'est toute la différence de résultat final là où on est largement dominé dans ces deux confrontations franco-britanniques. Ben oui, c'était l'Irlande et là c'est l'Angleterre. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose quand même, Jacques, tu fais bien de le signaler. Pointu, je suis. Et pénalité pour Pépignan. Et Jacques va pisser, mais il le fait réellement. Je pense qu'il en avait terriblement envie depuis tout à l'heure, puisqu'il ne disait plus rien. Et donc, on va écouter tranquillement ce qui se déroule. J'aimerais savoir, Jean-Louis, si le match de Toulouse a débuté. Le match de Toulouse, oui, on me fait signe qu'il a débuté. Vous aurez quelques nouvelles d'ici la fin de cette confrontation entre Pépignan, donc bien évidemment, et Nord Phantom qui mène 23-7. Nord Phantom qualifié donc pour la suite de la compétition. Et un petit coup à boire pour moi pendant que Jacques enlève, moi je remplis. Ah là là, pour une fois qu'il n'y a pas les deux camps, je vais pouvoir un peu me livrer. Alors je te donne mon numéro de téléphone, je suis en quête en ce moment d'amour sérieux avec sexualité. mot amour, sérieux avec sexualité bien évidemment. Donc tu m'écris, tu m'envoies ton message sur sportlas.fr. Je suis à toi, je suis tout à toi. Oh le gros, oh le gros, j'ai fait les montées. Je suis obligé de finir en papier. Jacques est revenu des chiottes. Et il y aura quelque chose. Sur la pelouse, on a vu le camion, le trucker là qui est allé se renverser sur l'autoroute A16. Est-ce qu'on peut revoir ça, Jean-Louis, au ralenti? Parce que c'était véritablement surprenant. Une pénalité pour Perpignan qui continue de ne pas prendre les points. Ah ouais. Ils auraient pris les points, ils se seraient déjà rapprochés de la moitié de ce qu'ils ont à faire. Et Jacques, il risque peut-être à un moment donné de le regretter. Le match Arsenal le camion. Est fini, oui. Oh, le camion qui s'est renversé. Le camion de lait, là, qui tourne. Ah oui, qui n'est pas bien ici. Il y a un truc. Même au ralenti. C'est beau. Ah oui, regardez le chauffeur qui garde. Un câlin. Hein, qui garde le volant dans les mains. Ça fait envie d'être pro. Ouais. À cette vitesse-là, oui. Jeter. À cette vitesse-là, oui. Le ballon est pépignané, mais cette fois-ci, on a bien prévu le coup non. Du côté des... Ah non. Ah non. Ah non. Bien conservé par les Patignonnais. Pas cette fois. Le molle est coulé, le molle est au sol, donc ils ne peuvent rien faire, soit retenter un coup de molle ou du pick-and. C'est dangereux. Ouais, du pick-and ceci et du pick-and caca. Oui, bien. C'est pas mal, ça. Du rafut. Du rafut. Ah, la ah ouais le gros qui... Oh là ouais là, il a dû en lâcher, il a tout, ouais, tout lâché là. Je pense qu'il a perdu la mémoire sur le coup. Et pénalité, pénalité pour les Anglais. On est allé au-delà du côté catalan et ça n'est pas bien. D'aller au-delà. Ouais, on s'énerve encore côté Perpignan, il y a de la fougue. Il y a de la fougue, mais il ne faudrait pas s'énerver, il faudrait garder justement tout cet influx et sa lucidité pour marquer les points quand c'est possible. Que je salue. Balloon. Qui a dit balloon? Ça c'est étonnant ça de dire balloon comme ça. Ouais, ça change un ça peu. Ça change. Et ça va être dégagé par la formation de Northampton qui au lieu de prendre 7 points va pouvoir tranquillement aller prendre l'air et récupérer le lancer derrière. Assange, hein, vous voulez dire Jacky 2011. 2011, oui, 1er mai. Mais ça n'est pas terminé. Après ce match, si quand même. Oui. Est-ce qu'on peut mettre Sud Radio pour voir le TFC où il en est s'il vous plaît? J'avais promis à nos auditeurs pendant que vous étiez au WC bien évidemment que nous pourrions écouter où en est le club toulousain de football qui dégringole, le football qui dégringole. Je ne pense pas que ce soit la bonne station là. Ou alors c'est lyrique, hein, ça peut être des commentaires lyriques, une émission nous copie un peu et... Lyrique Montbert. Oui, lyrique, là, qui est parti depuis longtemps là. Et effectivement, peut-être que... Ah oui. Oh, lui, il y va. Voilà, les gars, comme ça. Attaquer. Sur le grand côté. C'est qu'il y a qui sont le moins rassemblés. Attaquer. Et sur le grand côté. Mais faites gaffe à pas vous faire contre-attaquer. Yeah. Ah, super. Ça, c'était sympathique. Pour finir un match aussi pourri, ça, c'était vraiment sympathique. Ça vient, hein? Oui, on attend, hein, toujours. Le TFC pour l'instant, et on voit la différence de gabarit entre le monstre, ce monstre de Northampton qui est mort. Avec la musique, ça allait très bien. Ça allait parfaitement. Ah non, ça c'est les fuckers. Mais vraiment, pour revenir à la première question, parce que j'ai dit que qu'est-ce que c'est ça? C'est possible. Je pense. Non, mais y a pas, vous n'avez pas de radio là-dessus, hein, sur la grosse bécane là! Il va tout passer ce con. 102, mais sur 102 si tu trouves 102, mais il peut pas, il a un truc à... Vous savez qu'on achète 1 euro dans les magasins là, et il faut appuyer sur scan, et voilà. Voilà, et quoi, Jacques est en train d'essayer de me faire écouter ça bouge encore, le TFC. Oh, ça là, bouge ça encore hein, sur, sur le match quand même. Ça bouge terriblement, et là la mêlée catalane s'est faite détruire, mais alors détruire comme le cajot de légumes renversé dans un virage, dans une voiture sans suspension. On va revoir ça gentiment, on ralentit Jean-Louis, tandis que Jacques cherche Sud Radio. On n'a pas. On n'a pas, on doit l'avoir ici, oui. Avec le Toulouse de foot de Bocuse, même. La pub. Oui, la pub. On a du mal à choper, on a du mal à tenir l'antenne, si vous voulez. Combien? Il faut d'abord vérifier la fréquence. Hein. Vérifier d'abord. Sans tout, c'est sans tout. Sans tout, très exactement, et oui, oh là, la poussée du pack anglais, c'est terrible, et là, schlock les hommes, Voilà les hommes. Avec le quotient bonificateur éducatif, bien évidemment, cette équipe part avec un avantage certain. Oh là là, oui, du côté de Perpignan, les primates sont encore, me semble-t-il, à la mode. Le ballon est bien joué, par bien plaqué aussi quand même par la formation anglaise qui le récupère difficilement, et intervention, oui, pour un plaquage peut-être virulent de la part des joueurs catalans, beaucoup sanctionnés, beaucoup pénalisés, beaucoup collective de ce pack qui est vraiment. Où t'en es, toi ? Qui était en faveur des Catalans et la subir comme ça. Et alors, où t'en es là ? Oh ! Voilà, ah, c'était sur radio, il n'y a pas le TFC, non, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Ce sera une touche au bénéfice de je ne sais qui. Alors là, on s'en fout complètement. Je ne montre rien à vous cacher. Ce match ne m'intéresse plus. Je ne vis plus que pour le Toulouse Football Club qui doit souffrir en ce moment face à Lyon régénéré qui va le griffer, le mordre et le manger. On s'énerve plus que jamais sur ce terrain. Ça va mal finir. Cette demi-finale de Coupe d'Europe de rugby récupérera de Mais verte. Sinon, j'ai une autre radio, si vous voulez, hein, qui retransmet le match, certainement. Hein, bien évidemment, il n'y a pas que Sud Radio sur la FM. Vous le savez, il y a tout un tas d'autres radios, de sous-radios également, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à couvrir la bande FM pour voir si... Oui. De finir de se chauffer un petit peu. Qui ça ? Après ce coup de pied. Voilà, avec 7 points de retard sur Lille. Ah, tout attention. Est toujours possible. Ça a été une saison en Dancy. Dancing. Ça a été une saison au dancing, donc visiblement. C'est pour ça que le TFC est un petit peu à la bourre. On a des infos donc. Mais on n'aura que ça pour le moment. Allez, on revient au rugby, Jacques, parce que maintenant tu dois commenter un petit peu ce match. Et commentons. Fait. C'est reparti avec une touche rapidement jouée par nos amis de Perpignouf qui jouent dans le camp. Non, c'est récupéré finalement par les Anglouses. En blue. Les belles Anglaises, hein, Jacques, ouais. Comme on fait à ces dames, bien évidemment. Avec le ballon perdu, en avant sur les Catalans. En avant, bénéfice des Catalans. C'est une mêlée qu'il va falloir jouer. Bien jouer à fond pour aller marquer un thé là-bas jusqu'au fond. Oui, mais les Anglais sont loin devant. 23-7. Maintenant, loin devant. Les Anglais ont fini. Ah oui, ils en prennent en tous les cas le chemin. Et c'est incontestable pour l'instant, ils ont fini le plus beau de leur jeu. Ils ont bien fini. Alors on va cette action ralentie, lui difficile. Coup franc de plus, devrais-je dire. Pénalité, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qui tient quoi ? Que fait-il ? Non, c'est un en avant. C'est une mêlée au bénéfice, on vous rappelle, des Catalans. Catalogne, 16 points d'écart, 16 points, c'est quand même déjà beaucoup, ça fait beaucoup, il faut mettre maintenant parce que sinon il ne sera plus possible de rêver et de croire à la qualification finale. Catalogne ! Tu t'éloignes ! Il reste 10 minutes à jouer, 23-7 pour les plus forts dans Southampton qui vont se qualifier. Tu es d'accord ? Pour les plus forts déjà, oui, oh oui, oh là là. Oui. Ça sort vite même pour faire Perpignan, c'est bien fait. Ah oui, c'est tellement bien fait. Ils sont dans une pagaille immense, ils n'arrivent plus à rien faire. C'est un en avant cette fois-ci au bénéfice des Anglais. Ils les défoncent, ils sont en train de les détruire totalement. Même en mêlée, c'est terrible ce que vivent aujourd'hui les Catalans. La Catalanité est en train de subir le joug de l'adversaire dans cette tramontane molle qui nous scie les guibolles. Je peux vous en mettre. Oh, détends, madame. Je suis là. Coucou. Allez, rentrez tous. Ça va bien, c'est les 10 dernières minutes. Après 3 heures de commentaires, 3 heures de direct, Radio Sportaz fait rentrer ses invités, ses partenaires, ses amis, ses adversaires, tout le monde au vestiaire. On a vu la girafe d'Afrique du Sud. Bel écran, belle caméra, Jean-Loup. Jean-Loup. Oh là là, Perpignan était défoncé en mêlée. Ouais, alors qu'on s'attendait justement à ce que ce soit l'inverse. Le côté fierté qui l'emporte. Eh bien non, ils se font démonter de tous les côtés. Coup de mou. Détruire, démonter, défoncer. Trois mots qui disent tout le désarroi de la mêlée perpignanaise. On revient, c'est là. Ah, il y a un but. But pour le TFC. Ah non, sur Radio Sportage. Il y a du monde au stadium, on dirait. J'ai l'impression qu'il le prend un peu de l'arrière du crâne. Hugo Lloris qui n'a pas bougé, qui reste sur ses appuis. ce ballon qui va se loger au ras de son poteau gauche. Et ça fait 1-0 pour les TFC. Et on est embêté par les buts, monsieur Germain, ici au stadium, puisque ça fait 1-0 pour Toulouse. Et le but de Seto de la tête, comme c'est ça tôt. Avait été déjà le cas. C'est tôt dans le match. Il n'y a pas si longtemps de cela, ouais. Du côté du Vélodrome. Ça va, Jacques, merci, ça va. Ça va, tu veux pas les laisser, non, en plus. Ah, ça va te défoncer l'oreille, ça aussi. Mais c'est vrai que c'est tôt pour marquer dans le match. Ah ah. Hein. Bravo, Tef. À Toulouse Football, qui sent mieux que le rugby. En direct, voilà, ce match est sur Radio Sportaz. Au live. Parce qu'on a le droit, moins de 7 secondes, on n'est pas des plagieurs. Ni des plagistes, d'ailleurs. Allez, c'est rentré, c'est sorti. Non, c'est pas encore sorti de la mêlée. C'est fait pour le Northampton. C'est fait pour aller crucifier Perpignan en marquant. Je pense le troisième but, c'est repatatas au sol. Oui, fritas. Hein. Uh-huh. Repatatas, fritas. Retourné. Même s'il pousse, même si Perpignan essaye de mettre un impact physique, j'ai l'impression qu'ils ont récupéré le ballon. Oui, tout à fait. Non, oui, non. Celui-ci est là. Que dit l'arbitre? On peut continuer à jouer pour Northampton. Northampton qui va essayer d'aller là-bas, dans le coin, mais qui revient vers le petit côté avec celui-ci. Oh, le vicieux, le salopard. Il va vite. Il est puissant. Il avance. Et en plus, il a trouvé des partenaires immédiatement. Donc, c'est ça que c'est intéressant. Tu vois, je veux dire, à un moment donné. Oh là là. Ça, par contre. Pénalitate par Pépignan. David Martin. Sa cuisse. Oui, il lui dit ferme ta gueule alors que l'autre est en train d'aller en finale et toi tu t'énerves et voilà, c'est comme ça qu'on perd. Tu comprends, Kiki? Et attention, car les Londoniens prennent la touche. Ils veulent marquer un essai supplémentaire pour annuler les dernières illusions de Perpignan. Ça sent la fin. Oui, oui, mais en fait, ça n'a jamais réellement senti le début, Jacques. Hein. C'est très vrai sincèrement. Aussi. C'est vrai aussi. Même si cet essai de fin de première période nous a laissé penser qu'effectivement Perpignan pouvait croire à quelques possibilités d'aller en finale, eh bien non, la seconde période nous a démenti totalement. C'est la fin des Catalans. Attention. Avec la toca para Northampton. La toca est là, le schtroumpf rouge n'est pas content du tout. Il est en colère, le schtroumpf. Pas content, il est, c'est pour ça qu'il a le bonnet rouge, c'est schtroumpf colère. Schtroumpf. Ballon dans les mains de Northampton. Northampton maintenant avec Manchester. Manchester à Anelka qui est pris. Anelka qui est pris, là, qui va devoir lâcher la balle. Et Drogba. Drogba. à la Drogba. On en a marre côté Perpignan, j'ai l'impression Perpignan, de courir après tout. Ben oui, c'est sûr que ça doit épuiser, ça doit être démoralisant. Et tout ça pour rien. De voir ce ballon là tout le temps à quelques centimètres et de ne pas pouvoir le toucher. À part un essai en force, hein, qu'ont-ils fourni dans cette partie? Ils ont fourni des efforts, Jacques. Oui. Ils ont fourni pas mal d'efforts. C'est le choix. Hein, ils ont bien joué quand même en face, beaucoup trop fort, équipe mieux préparée, avec beaucoup plus d'envie pour aller contourner, je parle comme ça, parce qu'il y a mon frangin à l'écran là, et c'est pour ça me rappelle le pays. Salut, hein, frangin, oh, tu me vois? La déviation d'Hassan Kabzé. Eh oui, nous avons tout, hein, nous avons tout. Et si vous voulez la bourse, c'est dans quelques instants sur cette même antenne. Ne quittez pas, ne savez pas. Ne déconnectez pas, car maintenant vous êtes. J'ai mal partout. Il y a la situation confuse en Libye. Veux-tu me passer? Oui, on a mal à la démocratie encore. Un petit peu partout dans le monde. C'est quoi, Jacques? C'est une touche, c'est une mêlée, une pénalité pour les Anglais. Que sera-ce exactement? 74 minutes de jeu, même si le chrono est arrêté. Nous en sommes là. 74 minutes de jeu. Autant dire que les carottes sont en fuite. On s'énerve. Cette couleur de maillot me rappelle celui de l'Afrique du Sud. C'est exact. Champion du monde plusieurs fois. Oui, avec cette férocité physique qu'on lui connaît et que l'on retrouve visiblement chez les joueurs anglais. C'est la fin, et ça sent la fin pour Perpignan. Oui, là, la tête d'enterrement. Pendant que de l'autre côté, on se congratule. Tipi, bipi, avec bien évidemment, je vous le rappelle, le quotient bonificateur éducatif dont bénéficient ces joueurs dès la troisième année. C'est pour ça qu'ensuite, ils ont un temps d'avance sur les autres. Le QBE, le quotient bonificateur éducatif. Oh, je kiffe. Et pendant cela, il y a l'ultima, mais là, et avec ce qu'on a vu. tiens. Ah, il n'y a pas osé. Mais alors, on fait quoi? On commente ou on écoute? Là, c'est plus pareil. Arlequin. Ouais, mais attention à cette mêlée. Pour Perpignan, oh, c'est là, pas là, entre là, eux. Ils sont une fois de plus, une fois. Et oui, parce qu'ils sont tellement châtiés sur ce domaine qu'ils essayent de prendre l'ascendant à l'impact et ils font la faute. Ils font la faute d'y aller trop vite. Attention, il le dit, si vous rentrez trop vite en mêlée. Oui, monsieur Clonet est cool. Ouais, parce que lui, il est rafistolé. Hein, on change la jambe. On le met au frigo, je crois, non? Peut-être, Jacques, on le fait cuire. Faire cuire le jambonneau. Sous cellophane. À feu doux. Et là, il se pose la question, ils discutent. Les frangins, ils ne sont pas du même père. Hein. Belle liaison tout de même. Mais ils s'aiment bien quand même. Attention, merci derrière pour cette musique. Voilà, chronomètre ou pas. Le chronomètre, ouais, pas 5 minutes, attention, parce qu'on fait tourner. Arrêtez. Stop. Arrêtez, Jacques vous le dit. C'est le problème. La mêlée, c'est vraiment le cancer du rugby. C'est quand même si c'est effectivement un moment important pour le. Ouais, ouais. Hein, mais c'est quand même chiant. Après le cancer, c'est le cancer. Aujourd'hui. Et demain. Et il y en aura de plus en plus, manifestement. D'après ce qu'on nous dit, hein, ça fait. C'est pas réjouissant, hein, on finit mortuaire, là, je te préviens. Ah. C'est pas très sympa. Hein, j'aimerais quand même un peu d'emphase, un peu de joie dans cette terminaison. Le rugby français ne va pas si bien que cela en cette année de Coupe du Monde. Toi-même, tu ferais. tu ferais, ça ne veut rien dire. Le ballon est sorti, récupéré par les Pépignanais. Pépignan qui a la balle maintenant. Tu es grave. Et alors qu'on s'en met, on se met du bourre-pif entre les uns et les autres. Allez, et on essaie d'attaquer Pépignan. Tout est possible. Ah, oui, écoutez, non, même le volleyball. Allez, donne. Et avant, signalé par l'arbitre, c'est désolé. Un avant. Ce sera donc une mêlée, une de plus. Un moment que nous craignons la mêlée car c'est instable, ça dure, c'est long, c'est lent. Ah, c'est la mêlée. Plutôt bien parce que j'ai vu les modèles que vous proposez. Ah, quel modèle, monsieur? Un défilé. Défilé sportage, le modèle sportage peut-être. Premier radio sportage. C'est vrai qu'on s'attend en plein de défilé, mais peut-être pas de mode. Et encore moins de mode dans la rue. Absolument. C'est pas Étienne Didot qui est au sol. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, les enfants. 0 à 0, le centre qui a du mal à se relever. Pas tous à la fois, j'ai dit. Rugby. Mêlé au bénéfice des Anglais, c'est John Peter qui a introduit la balle. John Peter qui est amateur de fraises et bien évidemment de livres de sexe. Ouais, ce match a. Et là, par contre, la passe au pied est folle, a failli devenir bénéfique. Très platinesque. Il y a en avant. Il y a une petite passe en avant sans le vouloir vraiment, mais l'en avant, c'est l'en avant. Ce match a bénéficié de la technique coupe drop. Il n'y a pas de vide drop. Effectivement, c'est l'en avant dur. On va voir ça au ralenti. Merci Jacques pour la technologie coupe drop qui ne veut absolument rien dire, bien évidemment. On regarde ça. Oh là là, le camion. Et il sourit. Oui, Jean-Louis, tu repasses des images à la con. Ouais, le Père Noël n'arrive pas comme ça chez vous. Je ne vois pas ce qu'il y a à foutre à cette période de l'année avec Netgear QBE. Et oui, voilà les sponsors gagnants. Tout le contraire de Joa, le sponsor Pépinien. La température monte, le score ne bouge plus par contre. La température monte au moment où nous on se termine. Là, parce que moi, ma grande question sur Casual C, c'est qu'est-ce que vous avez de si particulier, qu'est-ce que vous créez de si nouveau, quel produit si innovant à... Alors, le vidéo Sporters Resume Mix, qui, si tout va bien, va continuer sa naissance. C'était il y a quelques jours, quelques semaines. Hein. Nous récupérons des images sur Internet. Et le placenta. Nous remixons tout ça à notre sauce décalée. L'écran placenta. Hein, très c'est une relance Pépignan. Mais Pépignan, il fallait faire ça depuis le début. Tant en avant. Tant en avant, mais non, l'arbitre considère que c'est bon. Il est gentil. Oh là là, celui-ci va se faire pardonner de s'être fait expulser tout à l'heure. Et vu qu'à l'instar de la star d'hier, aller marquer un essai pour se faire. Mais là, les Catalans sont pris dans la défense, même s'ils passent magnifiquement. Oh, parfait, pas tout à fait. Pas frais. On sent les Anglais un petit peu pédale douce. Tu trouves? Un petit peu, je crois. Hein. Ils ont compris qu'ils avaient gagné. Bon, ils vont pas laisser le Perpignanais, le Catalan pénétrer leur but comme ça. On connaît quand même le côté insulaire de l'Anglais qui veut faire respecter ses frontières. Et de ce côté-là, Jacques, je ne m'attends pas à de mansuétude de leur part. Tu vois, la preuve, il récupère la balle et à mon avis, il serait capable d'aller nous en planter un troisième, vicelardement. Ça, c'est un coup de pied vicelard, effectivement. Eh oui, parce qu'il oblige l'autre à se relancer tout seul, il est pris. Il est tout seul, le pauvre garçon. Qu'est-ce que tu fais, petit? À l'aide, à l'aide. Eh bien, petit, 4 dessus. Ah ouais, 4 dessus. Le pauvre garçon. Un gangbang organisé dans l'embut. Ouais, enfin tout ça, ça ne fait pas un rugby français de grande volée. Ah mais attends. Difficile d'abord, jouer des demi-finales sur le terrain adverse, face à des équipes sacrément outillées. Pas facile quand même, effectivement. Enfin, effectivement, c'est la merde. Enfin, contrairement à ce qu'on disait en début de match, c'est l'équipe toulousaine qui a été bien meilleure sur ces deux demi par rapport à Perpignan. Oui, qui a pu nous y faire croire un petit peu plus. C'est vrai, parce que là, Perpignan s'est rapidement éteint. Le Catalan a fumé de tous les côtés. Et là, il y a du trucking, il y a du changement. Regarde ça, tout le monde au VAR. Ça file, ça sort. Avec ces couleurs qui me rappellent un drapeau africain tout de même, ce noir, ce jaune et ce vert. Bravo North Phantom. J'ai fort en donne. En finale. Ouais, bravo. Beau bébé. Ah oui, sacré beau bébé. Alors le 1, là, dis donc, si tu l'invites à manger, mon gars, il va pouvoir remplir le frigo. Hein. Beau bébé Charlton. Ah rien, il te coûte un mois, ce type-là. Juste sur un repas, il te coûte un mois. Eh oui, Pépignan pousse avant l'introduction. Eh non, Pépignan, faut pas pousser avant l'introduction. Parce que pas bien. Oui, j'irai Perpignan tous, son rugby. Oui, un essai qui a été rapidement terminé. Ensuite, voilà, plus rien. Pépignan, donc, est éliminé de la Coupe d'Europe, comme le fut Toulouse hier. Ce sera une finale anglo-irlandaise. Je ne sais pas si on sera là, du coup. Pas sûr. Hein. C'est pas dit. Hein. C'est pas dit que ça nous intéresse tant que ça, l'affaire. Ouais, on peut pas être partout. Mais non. On sera, par contre, c'est promis, finale de la Coupe d'Europe. De féminine foot. Ah oui, le 26 mai à 21h. Yeah. Potsdam, Lyon. À développer le marché des entreprises, les grosses entreprises. Ce match est terminé, bien évidemment, mais le chrono, on parle. Alors, est-ce qu'il tape en touche directement? Il pourrait le faire. Et voilà, mais c'est terminé. C'est fini, Perpignan est éliminé. Non, Fantôme est qualifié. Les deux équipes n'ont pas si mal joué, mais ce sont les Anglais qui sont en finale. Eh oui madame, eh oui mademoiselle, eh oui monsieur. C'est comme ça. Dans le sport il y a un perdant et dans le sport il y a un gagnant. On n'a pas choisi le camp mais on était là pour commenter. Perpignan rentre à homme, le vainqueur c'est North Phantom. Alors commenter un match de rugby quand on fait du rugby, c'est facile, c'est pas facile. Est-ce que vous commentez pendant le match? Je comprends pas trop. Je commente pas trop ce qui s'est passé, j'ai regardé des images. J'ai eu le décalage, j'ai voulu me shifter, ça n'a pas marché. Alors j'ai pas compris tout ce qui se passait. Après, il y a un ami qui est venu, il m'a calé des images sur le son et là ça marchait beaucoup mieux. C'était sympa, mais j'ai bien regardé. C'est pas facile de commenter quand même quand on est dans le même terrain. Voilà, c'est pas facile à commenter, je le répète. Par contre, après, je suis sorti, je suis allé prendre bouffe, les amis étaient là. Ça marchait du bien, ça m'a requinqué. Alors je suis revenu pour voir le match. Maroc, allez, le time shift. Alors vous êtes sur Facebook, hein, pour l'Afrique du Sud, vous soutenez Facebook. Oui. Vive le sanglier, vive la chasse à cour. Vive les grands espaces. Non, Facebook. Ouais. Non, écoutez, laissez-moi tranquille, vous êtes gentil. Ça va pas bien, bien évidemment, on est éliminé, donc forcément. On est triste. Ouais, oui, un triste, moi aussi, tiens. Perpignan. Hé, donne. Demi-finale de Coupe d'Europe de rugby, 1er mai 2011. T'as vu comment je suis coiffé? C'était Sporta 721 deux et demi. Deux en un. Premier anniversaire de Radio Sporta, ce qu'on remercie. Oui, qu'on remercie, oui. Bah, c'est nous. Ouais. Ouais, c'est eux aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques-uns en plus, dont bilical.org. Ouais. Absolument, oui. Alors ça, par contre, là, on est vraiment des salopards, puisque, quand même, on vous le rappelle, c'est grâce à ombilical.org que vous êtes seul à nous écouter. Et bien voilà, c'était une après-midi de sport avec Radio Sportave, du rugby, du football, et maintenant, moule frites. Bonne Sportase après-midi à vous, bonne Sportase fin de nuit à vous, bonne Sportase début de matinée à vous, suivant à quelle heure vous nous écoutez. gardien marseillais sur ce long ballon pour Yellen qui, Jeannot, est parti à la, vraiment à la limite du hors-jeu. Et quant à nous, on se retrouve, on sait pas trop quand, surveiller le calendrier. Les petits mails. Bien évidemment. Bien, au revoir, madame. Ciao, mademoiselle. Hey, bye bye, monsieur. J'achève. Thank you.

J'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon. J'aime tes longues moustaches, ta frimousse de peluche. J'aime passer mes journées à te regarder gambader. Mon petit lapin, tu es mon seul ami. Tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi. Mon petit lapin, quand tu es avec moi, tu ne me dis rien, mais je sais que tu penses à ça. Car petit lapin, c'est bon ta compagnie. Quand je vais dans mon bain, je sais que tu me suis. Oui, petit lapin, nous sommes tout seuls ici. Et maintenant, dans mon bain, tu me touches le zizi. Lapin malin, avec moi dans mon bain. Lapin coquin, tu sais que c'est bien. Lapin bilin, mais je ne dirai rien. Lapin, lapin, tu es numéro un. Mon petit lapin, attention à tes doigts. Tu vas te faire penser très fort, même si tu n'en as pas. D'ailleurs, petit lapin, d'ici je ne te vois pas. Où es-tu dans le bain? J'ai peur que tu te noies. Mais tu avais coulé, tu restes inanimé. À présent, j'ai peine à croire que je t'ai tué. Puisqu'il en est ainsi, je dois me rhabiller et filer à l'animalerie pour pouvoir m'acheter un lapin malin. Avec moi dans mon bain, lapin coquin. Lapin vilain, mais je ne dirai rien. Lapin, lapin, tu es numéro un. I'm gonna fire at. This is not my fucking god. I'm gonna bow down anyway. This is not my fucking song. I'm gonna sing it. This is not my fucking dick, but I'm gonna suck it anyway. This is not my fucking life, but I don't give a fuck. Fuck, fuck. This is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, this is not, they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. Online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cal-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber, YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Girlfriend, this is what I sound like. What does that

Sonhando sempre, buscando a luz na escuridão. O tempo bienvenue dans Radio Sportage.